Bonsoir tout le monde, merci d'être si nombreux. Je suis très très content d'avoir été invité à ce festival de la mer. Donc je suis Jean-François Périllier, je suis viticulteur sur l'île d'Oléron. Il y a quelques Bretons qui vont nous dresser des cheveux sur la tête, quoi, l'île d'Oléron, c'est une île. On en parlera tout à l'heure de l'île d'Oléron. C'est une vraie île qui est vivante, vous allez voir pourquoi. Je suis donc viticulteur et j'ai été 8 ans représentant des paysans de la mer au sein d'un syndicat agricole. C'est assez rare de pouvoir le souligner et j'ai fini ces 4 dernières années secrétaire national à la Confédération Paysanne. Et je ne mettais pas de côté ma petite décoration Confédération Paysanne, contrairement à ce que quelqu'un a fait hier. Je l'assume totalement et vous verrez pourquoi, parce qu'on va, à travers mon intervention, commencer à entamer la journée de demain. Y a-t-il des solutions pour protéger l'océan? Et je pense que, au moins sur le plan agricole, le projet qui est porté par la Confédération Paysanne apporte des solutions en termes de gestion de l'eau, de travail du sol, de la non-foresterie, etc. Voilà. Je me suis posé la question, j'ai entendu les différents intervenants depuis hier, je me posais la question de comment introduire mon propos sur en fait le lien entre la terre et la mer, parce que tout ce dont on a parlé depuis hier n'a aucun sens si on ne protège pas le commun, parce qu'on a aussi parlé des communs, qui est l'eau, puisque comme tout le monde le sait, les racines de l'océan c'est l'eau, et on va voir pourquoi. Mais avant ça, j'aimerais bien vous remettre globalement un petit plan en tête de quoi on parle quand on parle de l'eau. On ne parle pas forcément d'un élément, enfin, si on parle d'un élément liquide, mais on ne parle pas que de ça. On parle de l'élément liquide indispensable à la vie sur Terre, en tous les cas à la vie telle qu'on la connaît. Déjà, dans un premier temps, il y a de la vie qui se développe sans oxygène, il y a de la vie qui se développe sans lumière. Il y a de la vie qui se développe dans les fumerolles volcaniques, dans l'âge de zeste, au fond des océans. Mais il n'y a pas de vie sans eau. Et si vous en voulez une preuve, toute la conquête spatiale, vous avez remarqué, consiste à sauver une planète où il y aurait de l'eau. Ça, déjà, c'est dit. Ensuite, l'eau, et ça, c'est une notion que j'ai eu beaucoup de mal à faire passer dans les grandes réunions auxquelles j'ai. Les macrotons auxquels j'ai pu assister en tant que secrétaire national de la Conf et notamment les états généraux de l'alimentation, l'eau, c'est le premier aliment des mammifères. On est constitué à 70% d'eau, on perd constamment notre eau en urinant, en transpirant, et on est obligé de reconstituer donc notre stock d'eau. Comble du comble, et ça tombe bien pour les soluts dans la mer, on est une goutte d'eau de mer. On est en plein dans le sujet, nous sommes une goutte d'océan. Vivant sur Terre. Il faut le savoir, ça, quand même. Et donc, du coup, c'est important, hein, parce que. Au niveau de la planète, donc, l'eau, on va voir à travers. On va déliter un bassin récent, on va voir que c'est en fait le sang qui irrigue l'océan et qui apporte, et ça a déjà été un petit peu dit, qui apporte tant les sels minéraux essentiels au démarrage de la vie sur Terre, de la vie dans l'océan, mais pas que le démarrage de la vie sur l'océan. Alors je me suis demandé comment vous présenter ça, j'avais envoyé un petit PowerPoint, puis finalement ça ne servira à rien. Je me suis dit que la meilleure façon de vous présenter cette histoire-là, qui va recouper des choses qu'on a déjà dit, qui va faire le ping-pong entre la Terre, la mer, le climat, etc., c'est tout simplement pour raconter une histoire, une petite histoire humaine. Et puis, comme il y en a une que je connais bien, ben, ça va être la mienne, parce que je me suis rendu compte que ma vie, le hasard de ma vie, m'a fait. C'est un bassin versant. Pour moi, la vie est un long fleuve tranquille. Et voilà, ça commence d'abord, il faut le dire, avec une naissance en Normandie, à Étretat, avec un grand-père Terre-de-Bas, un des derniers Terre-de-Bas du port de Dieppe. Et ça, c'est important, parce qu'on a vu l'aspect culturel. L'aspect culturel, sociologique et tout, des métiers de la mer, et c'est quelque chose dont vous êtes né dans ce milieu-là, je pense que ça ne vous lâche jamais. Et vous allez voir qu'il faut faire des fois des grandes circonvolutions dans la vie pour retourner au final au point de départ. Bon, ben voilà, une enfance normale en Normandie, juin 1976, donc le bac. Mention, je l'ai, super, Donc j'appelle les parents, j'ai 37, j'ai 19 ans, la crise d'adolescence, vous avez tous connu ça, la crise d'adolescence. J'appelle mes parents, je leur dis bah, c'est bon, ça y est, j'ai rempli mon contrat, j'ai mon bac, mais par contre j'ai une sinon sac à dos. Et voilà, je pars dans la vie. Et puis le hasard des choses me fait arriver dans les Cévennes. Et les Cévennes, au pied d'une montagne qui s'appelle l'Aigoual. Et là on commence à être dans le sujet. Aigue en occitan, c'est l'eau. Et l'Aigoual, c'est la montagne de l'eau, c'est la ligne de partage des eaux entre les rivières qui descendent vers la Méditerranée et celles qui vont descendre vers l'Atlantique. Et je fais une petite aparté climat, parce que l'Aigoual, c'est un excellent exemple pour illustrer la difficulté de faire du développement durable et comment, en pensant développement durable, en pensant global, à 150 ans d'intervalle, en créant une forêt, on crée un phénomène météorologique qu'on appelle le phénomène Seldol. Vous avez tous entendu parler des phénomènes Seldol. Quand on était petit, à l'école, on apprenait que le château d'eau et le plateau de forage de la France, c'était l'Auvergne. L'Aigoual, avant l'intervention humaine, c'était une montagne pelée, c'était des alpages pour les brebis, comme le Lozère. Et puis, là, on est sous Napoléon III. C'est la période des grands travaux, on creuse des canaux, on assèche les marais, parce qu'il y a une grosse maladie dans les marais. Et il y a un ingénieur des eaux de forêt, Fabre, qui est appelé en Gironde. Donc c'est lui qui va planter des pins, le premier pin pour fixer les dunes et aussi pour assécher les landes qui sont un vrai marécage, d'où les échasses fondaises, hein, parce que pour aller garder une brebis, ben, voilà, il fallait monter sur des échasses. Donc il fait ce travail et en même temps lui est posé la question du port de Bordeaux, qui s'embase de plus en plus et que les bateaux à fort tirant d'eau n'arrivent plus à arriver jusque au port de Bordeaux qui était dans le centre-ville. Donc commerce florissant, vous connaissez tout le commerce de la côte atlantique, hein, voilà, les épices, mais aussi les êtres humains, donc toutes les richesses bourgeoises d'aujourd'hui, de Bordeaux jusqu'à Nantes, ont fait leur fortune en passant par La Rochelle dans ce commerce-là. Et c'est le premier, cet ingénieur Fabre, qui a une vision un petit peu globale des choses, il regarde le bassin versant de la Garonne, et il se dit, bon, côté Pyrénées, c'est du granit, machin, par contre, là, côté massif central, l'Aigoual, toutes les rivières qui descendent de l'Aigoual, donc de la face ouest de l'Aigoual vers la Garonne, donc le Lot, l'Aveyron, le Dard, etc. Ce sont les rivières qui drainent le plus d'alluvions qui viennent ensuite s'accumuler dans le port de Bordeaux. Et il a une idée géniale, et donc on va planter une forêt, et les arbres vont retenir la terre. Et la forêt d'Aigoual est une forêt absolument superbe, qui est une vraie première expérience à grande échelle de plantation volontaire d'une forêt, qui est aujourd'hui encore visité par plein d'ingénieurs des forêts du monde entier, parce que c'est un véritable exemple. Sauf que les masses d'eau qui arrivent à l'automne, masses d'air chaud de la Méditerranée, et qui passaient au-dessus de ces pelouses rases de l'Aigoual pour aller se cracher l'euro sur le château d'eau de la France qui était l'Auvergne, et bien là, elles rencontrent une barrière hygrométrique, la respiration de la forêt, qui bloque les nuages, qui s'accumule, et on a l'épisode Seldol où, à Brest, vous êtes vraiment très très petit moyen joueur avec votre pluviométrie. L'Aigoual, on est sur plus d'un mètre cinquante d'eau. Vous avez des rivières que vous passez à sec, là, toutes les Cévennes, les sept veines, en fait les sept rivières qui descendent des Cévennes vers la Méditerranée. Vous pouvez les passer à gué, là tout de suite, et en deux heures de temps, parce qu'il a pété un orage sur l'Aigoual, vous pouvez avoir 12 mètres de tirant d'eau. L'équivalent de la marée de Mont-Saint-Michel. Mais c'est des torrents de montagne, hein, avec tout ce qu'il y a avec hein. Les châtaigniers, les voitures, les machins. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant hein, cette petite parenthèse pour montrer comment l'action humaine. Alors, le rôle effectif des arbres pour provoquer la pluie, des arbres aussi pour retenir le sol, les arbres aussi, on en parlera peut-être demain ou plus tard dans mon intervention, l'agroforesterie pour servir de lien entre l'eau de surface et l'eau en profondeur. Donc voilà, mais voilà, ça peut aussi des fois provoquer des problèmes. Bon ben voilà, l'Aigoual, c'est les années 70, on est tous des bitniques, on était les analystes de l'époque, quoi, grosso modo, mais on n'était pas sur une date, on retapait des hameaux et tout, et puis on fait des chèvres, parce que c'est la vache du pauvre, que les Cévenols avaient juste 2-3 chèvres, mais pour eux c'était vraiment le pied de rosier à l'entrée d'un rang de vigne qui chope le phylloxéra ou le midiou avant la vigne en fait. Et la chèvre, si elle avortait, c'est qu'il y avait un problème sur le brebis. mais ils ne savaient pas faire de fromage du tout. On a vendu les dans des Cévennes, donc aujourd'hui c'est là où c'est on fait vivre des villages, etc. Et puis bon, je vous passe donc 12 ans dans les Cévennes. Et puis au bout du compte, voilà, un tout petit souvenir, mais qui marque quand même, c'est un jour, je vais chercher mes chèvres en pré, comme tous les ans en été, un pré au bord de la rivière, dans un dans une couture électrique, j'appelle les chèvres qui arrivent tout de suite parce qu'elles savent qu'elles vont se faire prêt, et qu'il y a de l'orge là dans l'eau, j'ai tout, bien calme. Et puis je me retourne, et puis je vois le chef dans le dos, là, qui ne suivait pas les autres. Et voilà, je l'appelle de loin, comme ça, elle ressemblait à une chef qui s'appelait Aurore. Donc, tchou, tchou, day, day, Aurore, belle, belle, belle. Et puis la bestiole se retourne, me regarde, et en trois bonds, franchit la clôture électrique, saute un mur de 3 mètres de haut. Bon, voilà, c'était un animal sauvage, une biche, qui avait mangé toute la journée dans une clôture électrique, au milieu d'un troupeau de chèvres. Et là, je me suis dit, Jean-François, c'est monté dans la vie. C'était en face. Mais 12 ans dans les Cévennes, j'avais beau les jours de garbonade, les garbonades, c'est les crues et tout, m'inventer, j'étais au bord de l'océan et tout. L'océan, physiquement, physiologiquement, me manquait. Mes racines, grand-père et tout, me manquaient. Moi, j'ai pu tout embaigner dans les histoires de mer, sortir en mer avec mon grand-père. Et j'en avais besoin. Et du coup, bah, j'ai suivi le fleuve. Alors j'avais le choix, hein, l'Aveyron, le Lot, le Tarn, j'ai pris le Lot. Le long du fleuve, j'ai croisé des barrages qui ferment tout le lit d'un rivière pour produire de l'électricité, et des barrages qui, derrière, accumulent des sédiments. Donc le volume du barrage, d'année en année, le volume potentiel de retenue d'eau diminue. De temps en temps, il faut curer les barrages. Ou des barrages, d'ailleurs, aussi, de retenue d'eau pour alimenter le canal du Midi. Et dernièrement, il y a quelques années, ils ont été obligés de les curer parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans ces barrages pour alimenter le canal du Midi. Et toutes ces mouches stockent, évidemment, toutes les conséquences de l'activité humaine à terre, et notamment de l'activité agricole. Il y a, je crois que c'est, je me rappelle plus son nom, c'est Catherine, je crois, tout à l'heure, qui a dit 70 ou 80% des pollutions en mer viennent de la terre. Moi, je dis la phrase la même, puis je la dis autrement, je dis 100% des pollutions terrestres arrivent en mer. La carte postale n'est pas très jolie, mais en fait, l'océan, c'est la fosse septique, c'est le point plus bas. Donc tout ce qui se passe à terre arrive en mer. Voilà, je descends le Lot et tout, j'arrive dans la Garonne, et là, Garonne, je croise quand même quelques petites centrales nucléaires sur le chemin. Centrales nucléaires. Au passage, je vais vous apprendre quelque chose. Donc en 2019, grosse sécheresse, deux sécheresses consécutives, il y a une loi qui gère l'eau en France, je reviendrai un peu plus tard, calqué sur la directive cadre de l'eau et qui donne des priorités d'usage de l'eau douce. La première priorité, c'est évidemment l'eau potable, mais au même niveau que l'eau potable, c'est le bon état des milieux naturels, et ensuite, c'est les usages dits économiques. Donc dedans, vous pouvez avoir le loisir, la production d'électricité, donc le nucléaire en fait partie. En 2019, pour la première fois en France, et ça cause quand même sur l'ensemble du bassin versant de la Loire, d'ailleurs cette année-là, on a ravitaillé ce fameux château d'eau de l'Auvergne avec des canaux citernes, puisqu'ils ont récupéré tout l'eau pour maintenir les diages de la Loire. Donc, sur l'ensemble du bassin versant de la Loire et sur une bonne partie de celui de la Garonne, la priorité des priorités, ça a été le refroidissement des centrales nucléaires. Et heureusement, parce que sinon, de toute façon, l'eau au robinet, s'il n'y a plus d'humains, il n'y en a plus besoin. Mais bon. On a vraiment là franchi un cap en termes de ressources disponibles en eau. On y reviendra plus tard. Et puis j'arrive en Gironde, donc l'estuaire, et puis là, il y a l'île de Léon. C'est génial, l'île de Léon. C'est l'île la plus sud, c'est un climat quasiment méditerranéen, on habite au milieu du radiateur, c'est génial. Sauf que c'est en train de changer énormément l'île de Léon. On ne peut plus aujourd'hui, et je suis arrivé donc à l'île de Léron en 89. Depuis que je suis sur l'île de Léron, j'ai vécu quand même trois tempêtes centrales. Donc, j'ai quand même un certain âge, j'ai une expérience. Tempête centrale, c'est déjà rare à en vivre, dans une vie, mais trois. Donc 99, je pense que l'océan est passé au-dessus de l'Léron. Voilà, vous aviez des galets, enfin des roches grosses comme le meuble là qui était passé au-dessus de la falaise, au phare de Chassiron. Ensuite, il y a eu Klaus qui a foutu toute la forêt des Landes en style jeu de Mikado. Et puis la dernière, Xynthia. Donc où là, c'était plutôt une submersion. Et là, on était en plein dedans. Et là, il y a eu des morts, y compris chez nos collègues. Et on a perdu du matos et tout. Donc trois tempêtes centrales. Et une petite année, 2014, qui n'est pas considérée par les météorologues comme une année exceptionnelle, sauf que janvier-février, on a 30 avis de coups de vent sur 2 mois. Donc un avis de coups de vent tous les 3 jours. Des centaines et des centaines d'oiseaux marins qui viennent mourir sur les plages de faim, parce qu'ils n'ont rien eu à bouffer pendant 2 mois. Et puis c'est le début du commencement de la reproduction des moules, mars, avril. Et là, en avril, à 2 mois des récoltes de moules, en Sud-Vendée, Charente-Maritime, en moules, on représente à peu près 20% de la production française de moules, donc c'est 12 000 tonnes à peu près par an, on perd en 15 jours 98% de notre cheptel. Tout meurt. Et c'est un cycle d'un an, donc quand tout meurt, bah voilà. Le travail, il est à faire quand même, parce que la moule, elle se décroche pas. L'océan, c'est plus de l'eau de mer. C'est une espèce de cloaque orange, visqueux, c'est de la chair de moule en putréfaction. Et voilà ce que on a vécu. Depuis 2006, on vit avec des mortalités massives. Quand je dis massives, ça peut aller 2006, 2007, 2008, sur les huîtres notamment, et ensuite sur les moules, nous 98%, les huîtres 80%. On a même cru qu'on était dans une épizootie comme celle qui a fait disparaître l'huître portugaise. Et puis depuis, on vit avec des mortalités classiques entre 40, 60%, ça dépend des endroits, ça dépend des événements. C'est grave. On tire la sonnette d'alarme. Les chercheurs cherchent, c'est leur métier. Ils trouvent des trucs, pas forcément les réponses, toujours. On n'est pas toujours tout à fait d'accord. En fait, on n'a pas les mêmes portes d'entrée. En fait. Les huîtres, donc on identifie un virus et une bactérie, l'association des deux qui, à partir du moment où l'eau atteint une certaine température, dégomme une partie du cheptel. Ouais, ok, c'est bien de trouver ça, mais expliquez-nous pourquoi un virus et une bactérie qui existent dans le milieu depuis toujours, qui n'étaient pas pathogènes, deviennent, parce que la mortalité des huîtres, en 2006, ça commence en Corse, ça suit la montée de la température de l'eau, en fait. Et ça fait tout le pourtour de la France sur la saison ostréicole, quoi, sur la saison estivale. Bon, là, on n'a toujours pas d'explication, mais on est sauvés parce que Ifremer est en train de trouver un vaccin. Bon, voilà. Nous, je l'ai dit hier un peu dans une intervention, on est des éleveurs, certes, hein, on se dit paysans de la mer, mais on est plus cueilleurs qu'éleveurs. Après, on pourra, dans vos questions, peut-être parler de l'ostréiculture qui est en train de prendre une dérive un petit peu agricole, voire plutôt couleur FNSEA avec les huîtres des closeries et tout. Mais en tous les cas, en moule, on est vraiment sur de la cueillette, en fait. Et je le disais hier, on n'est pas sorti de la préhistoire. Et on est fiers de ne pas être sorti de la préhistoire. On est fiers de faire un métier où on apporte du plaisir aux gens. De l'aliment, un bon aliment, et sur des méthodes qui n'ont quasiment pas évolué, à part le fait que nos ancêtres, par l'observation, et tout simplement par l'observation, ont appris, alors chose que j'ai appris, difficile à faire pour la coquille Saint-Jacques, mais enfin nous, on sait capter naturellement. C'est un captage qui se fait sur des cordes de coco, donc une fibre naturelle, biodégradable. On peut se poser des questions sur la fabrication de la corde de coco, mais c'est vrai qu'on peut pas être vertueux à 100%. Bon, c'est Bangladesh, c'est ces pays-là. Hein. Donc j'imagine que la manœuvre qui fait les cordes de coco, ça doit pas être génial. Mais en tous les cas, c'est une fibre naturelle. Donc on capte le naissin de moule sur ce support. Et ensuite, il y a une petite transhumance qui va soit vers des bouchots de captage, enfin des bouchots d'élevage. Donc le bouchot, c'est sur la zone de balancement des marées. C'est des troncs d'arbres. En général, c'est du chêne. C'est du chêne d'ailleurs qui est cultivé entre guillemets, hein, c'est des forêts de chênes Dordogne, Charente, qui sont vraiment gérées pour des coupes tous les 30 ans, etc. Mais c'est de la forêt, on va dire, c'est de la forêt guidée, en fait. C'est pas de la forêt plantée, mais dans leur coupe de bois et tout, ils font en sorte que, voilà, tous les 30 ans, il y a une coupe de bois à faire. Bon, parce que les corps correspondent bien, etc. Ou alors sur les filières, puisque la tendance actuelle de la conchyliculture, c'est de sortir de l'estran. C'est surtout sortir de l'estran pour plusieurs raisons. Parce que l'estran, en général, il est près des zones estuaires et que ce qui nous arrive est de plus en plus pourri. Parce que sur l'estran, votre animal, il est la moitié du temps, Il baille aux corneilles, il n'est pas dans l'eau, donc il ne mange pas. En pleine mer, il mange 24 heures sur 24, donc il y a un gain de croissance. Il y a une fragilité de la coquille, mais il y a un gain de croissance. Et que sur l'estran, il y a beaucoup plus de prédation. Étoile de mer, bah on en a parlé dans le quiz de ce matin. Qui a retenu les prédateurs? Étoile de mer, bigorneau perceur, et puis goéland. Goéland. Quand il y a de l'eau, certains canards aussi arrivent à plonger. Et comme la moule est ouverte, arrivent sur certaines zones à manger la moule. Voilà. Donc en mer, à part les dorades, et nous on a de la chance d'avoir des bancs naturels de moules, et je pense que les dorades sont encore à l'extérieur des zones d'élevage et ont suffisamment à manger sur les bancs naturels qui sont sur le fond, et elles n'ont pas encore trouvé le chemin de nos filières. Mais en Méditerranée, ils ont essayé là, de faire des moules de filière, ils ont abandonné à cause des dorades, et je sais que dans les Côtes d'Armor, du côté de Pleubian, il y a des élevages de moules sur bouchot qui sont en train de vraiment de battre de l'aile, sans vous dire un jeu de mots, puisque une rangée de pieux, on appelle ça une aile de bouchot. On a des termes un peu bizarres hein, dans le milieu maritime. Et ils sont en train de perdre à cause des dorades. Quand vous avez un banc de dorades qui déboule sur une aile de bouchot, le lendemain, il n'y a plus rien. Un rade de Bresse aussi. Donc je reviens sur les trois tempêtes centennales et je reviens sur l'île d'Oléron parce que certains croient qu'on n'est plus sur une île parce qu'on est rattaché au continent par un pont. Mais je vais vous prendre un scoop, mon île d'Oléron est en train de devenir l'archipel d'Oléron et est en train de quitter la Charente-Maritime pour aller en Gironde. On est sur la zone d'érosion côtière avec la montée des océans la plus gravissime d'Europe. La plus rapide d'Europe, et tout le sable qui est rogné sur la côte ouest de l'île d'Oléron dérive avec il y a une dérive nord-sud hein, le long de la côte, tout le long de la côte atlantique, et quand ce sable rencontre le flux de la Gironde, il est stoppé et il va s'accumuler de l'autre côté de l'estuaire sur l'estran rocheux où il y a le phare de Cordouan qui vient d'être classé au patrimoine de l'UNESCO, et là il y a une île que l'université de La Rochelle, enfin les géographes de La Rochelle ont classée comme île parce qu'elle fait plus de 6 hectares, elle n'a plus été recouverte depuis je ne sais plus combien d'années, il y a des plantes pionnières qui se sont installées, donc c'est une énorme dune hein. Mais nous on n'est pas bretons, on n'est pas corse, on n'a pas de drapeau identitaire, et ça serait bien qu'on en ait un quand même pour aller dire aux Girondins que même si on est dans la même région, c'est l'île d'Oléron là, c'est pas vous. Et la pointe sud de l'île d'Oléron, cette petite corne, je ne sais pas si vous voyez un peu la forme de losange qu'a Oléron, avec une petite pointe au pertuis de Maumusson, elle est coupée à toutes les marées. Donc voilà, deux petits îlots, et un îlot au milieu de l'eau de mer, c'est comme un bonhomme de neige dans une cour de récré sous le soleil, hein. Ça ne va pas tenir très très longtemps. Donc voilà, l'île d'Oléron est en train de se déplacer et de redevenir une vraie île, sans pont. Mais c'est impressionnant de voir ça dans une vie humaine, hein, parce que là, je vous parle, donc début, ça a commencé avec 99, quoi. Et ça va de pire en pire, et on le voit tous les jours. À quoi on le voit, le dérèglement climatique et le réchauffement climatique? En mer, c'est clair. À un moment donné, hier, il y a quelqu'un qui a dit on est les sentinelles de la mer. Ben oui. Là où il fallait un coefficient de marée de plus de 90 pour que la mer arrive à la dune, au pied de la dune, aujourd'hui, même sans mauvais temps, même sans houle, à 70, la mer, elle est au pied de la dune. Donc après, un petit coup de houle, un petit coup de tabac d'hiver et tout, la base de la dune, elle est déjà bien sapée. Donc tout part et c'est des millions de mètres cubes en une nuit qui peuvent dégager. Hein. À quoi on voit le dérèglement climatique en mer? À des espèces de poissons qu'on pêchait pas à la cotinière et puis qu'on pêche maintenant. Et puis qui sont des poissons d'eau chaude. Le poisson, je pense, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, parce que je suis pas scientifique, mais je crois savoir qu'il régule sa température intérieure avec la température extérieure du courant dans lequel il navigue. Et donc, du coup, pêcher des espèces qui sont pas locales, c'est parce qu'elles ont suivi le courant. Et donc, ça veut bien dire aussi. On parlait des huîtres. Donc, les huîtres, c'est une espèce invasive. L'huître gagne du terrain vers le nord tous les ans de plusieurs kilomètres. Nous, on était des bassins naisseurs au départ. Oléron, Arcachon, c'est vraiment le cœur même de la reproduction naturelle des huîtres, et tous les autres bassins producteurs venaient chercher leur naissin chez nous. Aujourd'hui, il y a du captage d'huîtres en Bretagne, quoi. Donc ça, c'est des vrais signes qui sont pas qu'on peut pas renier. Conséquence de cette érosion, j'en parle quand même, parce que quand on parle de la mer, il faut parler aussi des habitants du bord de mer. Ben nous, sur l'île d'Oléron, très concrètement, depuis Xintia, on est sur un plan de prévention submersion qui dit pas son nom, mais qui est l'organisation du recul des humains par rapport à l'océan. Ça y est, on a fini de penser que de faire des enrochements, que de refaire des dunes artificielles avec du sable et tout, on allait lutter contre l'océan. On a compris qu'on n'avait pas la force, on redevient un petit peu, avec un petit peu d'humilité. Et très concrètement, le cadastre d'Oléron, en tenant compte des vents qu'il y a eu en 99, de la hauteur d'eau qu'il y a eu en Xintia, en rajoutant 20 cm pour tenir compte des modélisations du GIEC, qu'on explose tous les ans. Tous les ans, on explose les scénarios les plus pessimistes du GIEC. Ils ont redessiné le cadastre et ils l'ont dessiné en zone noire, rouge, orange et verte. Zone noire, toutes les maisons après Xintia ont été rachetées par l'État. Au prix du marché, ça ne va pas durer parce que le prix du marché chez nous, je suis allé voir, il y a une petite agence, un notaire là, pas loin de où j'ai dormi, les prix m'ont fait briller les yeux, c'est pas cher. Bon ben voilà, donc l'État a racheté et les maisons ont été rasées. En zone rouge, interdiction de construire, mais là vous aviez des gens, il y avait des terrains à bâtir. Donc vous avez des gens qui ont acheté des terrains à bâtir, on est autour de 250 à 300 euros le mètre carré. Et ils ont gratté, vous voyez les petits jeux à gratter. Puis là il y a marqué « perdu ». Ben, je peux vous dire qu'il y a eu des réunions un peu épiques avec le préfet, ça a meublé l'hiver. Hein. Donc, interdiction de construire, les maisons existantes, elles peuvent rester. Obligation de mettre un Velux sur le toit, l'issue de secours. C'est rigolo parce qu'on a une charte architecturale qui interdit les Velux. Mais là, c'est une question de survie humaine, donc on autorise les Velux. Et ces maisons-là ne seront pas transmissibles aux descendants. C'est-à-dire qu'au décès des propriétaires, l'État va racheter, à mon avis, il va pas racheter au prix du marché, parce que là, il vient de se prendre 30% de hausse le prix du marché avec le Covid. Donc ça va pas le faire. Je ne sais pas comment ils vont faire. Tout simplement parce que... Et puis en plus, elles sont même pas assurables, hein, ces maisons-là. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qu'il y a derrière, ça peut être des maisons familiales, avec toute l'histoire de la famille, etc., etc. Et puis en zone orange, donc pareil, les maisons existantes Velux, on a le droit de construire, mais là, c'est des maisons surélevées de 90 cm par rapport à la hauteur du sol. Et vert, ça reste vert. Sauf que ce plan de prévention, il est revu et corrigé tous les 5 ans en fonction des prévisions du GIEC. Donc voilà. Donc ça cause quand même. Hein. Moi, je pense que c'est véritablement l'organisation par l'État du recul de l'humain, en fait. C'est ça, concrètement. Parce qu'il y a des zones à bâtir qui... Voilà, on recule devant l'océan. Voilà, voilà. Pour revenir un petit peu sur le... Là, on était un peu plus sur le climat. Sur l'eau et l'importance de l'eau. Donc, vous vous rappelez, on est parti d'une montagne. Donc, entre autres, j'ai pris l'exemple de l'Aigoual, mais tous les sommets sont les mêmes. C'est là qu'il y a la plus grosse masse volumique d'eau, et c'est ce qu'on appelle les chevelus. Et ce qui s'est passé sur les chevelus, il n'y a pas très longtemps, si mes souvenirs sont bons, ça doit être 2018 ou 2019, il y a eu une refonte de la cartographie des ruisseaux français, confiée en grande partie aux communes, mais avec l'appui fort et massif des chambres d'agriculture. Chambres d'agriculture qui sont à l'unanimité détenues par la FNSEA. On n'en a qu'une, nous, une chambre d'agriculture à la Conf, c'est Mayotte. Alors, bon, voilà. Et ils en ont profité donc pour supprimer tout un tas de petits rues, de petits ruisseaux, etc. Parce que vous pensez bien que quand vous avez des engins agricoles énormes, des rampes de traitement de pesticides de 25 mètres de chaque côté du tracteur, des règles qui vous disent qu'il faut garder un mètre enherbé le long des cours d'eau, un mètre. C'est un peu de la rigolade, mais bon, c'est comme ça. Bon, ben voilà, ils ont supprimé. Donc, il y a tout un tas de petits rues, de ruisseaux et tout, qui ont été complètement supprimés de la cartographie des cours d'eau. Et ça, c'est énorme. bon, là où ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, mais dans beaucoup de choses qu'on nous a racontées depuis hier, en fait, moi, je ne me fais pas trop de soucis, parce que ça, c'est des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Eh bien, c'est que l'eau, partout où elle est passée, elle repassera. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et donc, ensuite, la rivière descend. Et quand on arrive au bord du littoral, on avait, nous, sur toute la côte atlantique, des dizaines de milliers d'hectares de marais doux. Le marais doux qui servait de tampon, justement, entre l'eau agricole et l'eau de la mer. Des grandes zones humides, voilà. Et ça, dans les années 70, l'INRA, je m'excuse, hein, encore des chercheurs, ont eu la bonne idée de se rendre compte que, bah, forcément, ce marais doux qui était en jachère depuis des siècles, si on le drainait et si on y mettait du maïs dessus, bah, ça pousse d'enfer, quoi. Et voilà, on a drainé des milliers d'hectares de marais doux qui servaient de zone tampon entre l'eau terrestre et la mer. On avait des résurgences. Nous, l'eau douce, elle arrivait aussi par des résurgences. C'est les fameux endroits où, en fait, on appelait ça les sables mouvants. Et en fait, c'était des sources d'eau douce qui arrivaient en mer. Et cette eau, elle arrivait avec une qualité exceptionnelle, filtrée depuis le marais doux, filtrée par le sable de la mer et tout. Ces résurgences, il n'y en a plus du tout. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années de culture du maïs sans rotation, maïs sur maïs sur maïs sur maïs, en ayant drainé, au passage, quand même, c'est encore du marais doux, c'est de l'argile. Donc, quand il pleut beaucoup, comme l'année dernière, on pompe l'eau pour assécher le marais doux, pour pouvoir rentrer en tracteur dessus. Et après, l'été, on va pomper l'eau pour arroser le maïs. Bon, c'est un petit peu délirant. Mais ils font encore plus fort. C'est toujours la fuite en avant, quoi. Donc, à force de pomper sur des zones qui sont hyper tassées, maintenant, c'est même plus du sol, c'est du béton, quoi. Et donc, il faut tout amener au maïs pour qu'il pousse, hein, les intrants, tout ce qui va bien pour que la plante, elle pousse. Et donc, ce sol bétonné, il boit plus l'eau, il absorbe plus l'eau. Et donc, du coup, l'été, il faut arroser. Et à force d'arroser, en zone littorale, ce qu'ils n'ont pas pigé, parce qu'ils ne le savaient pas, c'est que dans le sous-sol, il n'y a pas que des nappes phréatiques d'eau douce. C'est une pâte feuilletée avec des étages, nappes d'eau douce, nappes d'eau salée. Enfin, nous, chez nous, c'est l'ancien golfe de Saint-Onge. Sous les Gallo-Romains, la mer remontait jusqu'à Sainte, quoi. Et là, à force de pomper, quand vous asséchez une nappe phréatique d'eau douce, par capillarité, c'est le sel qui remonte. Et en 2019... En presqu'île d'Arver, donc sur le continent, en face de l'île de Léron, ils ont fait du pop-corn sur pied, quoi. À la fin de l'été, ils ont arrosé leur maïs avec de l'eau salée. Voilà. Alors, problème, parce que le maïs, quand même, faut vous dire que le maïs, c'est... le maïs en soi, c'est absolument, absolument pas rentable économiquement. S'il n'y a pas la PAC, ça ne fonctionne pas. Il y a la PAC sur le maïs, il y a la PAC pour l'irrigation, il y a la PAC sur les hectares, etc. C'est la filière maïs globalement, qui est intéressante, parce que le maïs, on l'exporte. On l'exporte au Moyen-Orient. On l'exporte dans les Émirats arabes pour nourrir des animaux au milieu du désert. Le maïs, on en fait un succès d'année de plastique avec l'amidon de maïs. Accessoirement, les pop-corns, donc. Mais bon, voilà, cette année, avec le Covid, les cinémas sont restés fermés, donc le marché du pop-corn. Bon, globalement, c'est ça. Et donc ça, c'est l'activité principale du port de commerce de la Palisse, La Rochelle. Port de commerce qu'on déroque, qu'on recreuse régulièrement pour pouvoir faire accoster des bateaux avec de plus en plus de tirants d'eau en plein bassin ostréicole. Ça pose quand même souci, quoi. Quand on exporte du maïs, un grain, il n'est jamais sec à 100%. Il est sec à 90%. Sur des centaines de milliers de tonnes de maïs exportées, on exporte notre eau sous forme de grains de maïs. Et le maïs qu'on garde pour nous, c'est pour l'élevage. Mais le maïs, c'est une plante tellement riche en protéines qu'il faut la complémenter. Et on la complémente avec quoi ? Avec du soja. C'est cool. C'est de la déforestation importée. Donc, de la palisse, on exporte du maïs vers le Maghreb et on importe du soja pour complémenter la ration des vaches qui ne voient jamais la lumière du soleil, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est des vaches qui sont hors sol. Charente-Poitou, la tradition du goût. Le beurre de Poitou-Charentes, moi je vous défie de voir un troupeau de vaches laitières dans un champ. J'en ai vu là, hein, dans les Monts d'Arrée, parce que j'ai passé par les Monts d'Arrée, ça m'a fait bien plaisir. Mais chez moi, c'est même pas la peine. Première région, Poitou-Charentes, première région productrice de lait de chèvre, vous voyez pas une chèvre dehors, quoi. Ça n'existe pas. Donc voilà le modèle. Et le modèle, il accélère, parce que le modèle, il faut de plus en plus d'eau pour maintenir ce modèle. Et on en arrive, donc, aujourd'hui, à la solution miracle qui va régler le problème de la ressource en eau, qui va lutter contre le dérèglement climatique, etc. C'est de stocker l'eau en hiver, quand il y en a trop, pour pouvoir l'utiliser l'été. Et on appelle ça des bassines de substitution. Et tout le monde gobe le mot substitution. Et là, je voudrais juste faire une petite suggestion. Nous, là, les opposants à tout ce système délirant, on a un gros travail de décryptage du vocabulaire qu'ils utilisent. Substitution. Substituer. Le substitut du procureur. Le produit substitue à la drogue. C'est remplacer quelque chose par son équivalent. Ou alors, pire que ça, dans son sens premier, substituer, sub, on le retrouve dans les mots submerger, submersion, ça veut dire sous, et stituare, ça veut dire situer sous. Substituer, au sens littéral du terme, ça voudrait dire prendre l'eau en surface pour la mettre en dessous, dans la nappe phréatique. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur les bassines parce que vous allez avoir demain les copains des soulèvements de la terre avec lesquels on lutte, lutte contre ça. Juste vous dire, le modèle en question, donc c'est en moyenne une bassine de substitution chez nous, c'est 10 hectares de surface sur 10 mètres de tirant d'eau. Ça veut dire 1 million de mètres cubes, qui concerne en général 3 ou 4 irrigants, subventionnés à 70%. Par les agences de l'eau. Les agences de l'eau, c'est notre facture d'eau, en grande partie le budget des agences de l'eau. Là, si on n'est pas devant l'accaparement et la privatisation d'un bien commun au bénéfice d'une minorité sans consultation, alors on va reparler de la consultation. Donc au passage, ces bassines, c'est quoi? C'est du travaux public, donc c'est énergie fossile pour le terrassement. 10 hectares à creuser sur 5 mètres de profondeur. Et avec ce qu'on retire de ça, on fait une digue de 5 mètres et on a notre bassine. Alors c'est un petit peu humoristique, hein, le mot bassine, c'est des méga bassines. Donc avec 10 mètres de tirant d'eau. Mais c'est un relief karstique. Nous, il faut que vous compreniez, on est sur des reliefs, on n'a pas de relief, on est sur des plaines, on est sur un sol karstique, donc poreux. Et c'est le trop-plein de la nappe qui alimente les cours d'eau. Là, la lutte qu'on a, c'est sur la Sèvre Niortaise. C'est le fleuve qui alimente la baie de l'Aiguillon, donc le bras de mer qu'il y a entre l'île de Ré et le continent. Là où se concentre 20% justement de la production de moules françaises. C'est un fleuve. Donc, il faut rendre étanche cette bassine. Allons-y, liner. Donc, liner, c'est du pétrole. Hein, c'est un matériau style un peu chambre, entre la chambre à air et le plastique. Oh, c'est super parce qu'en un coup de cutter, la bassine, elle est morte. Et puis après, il faut des pompes, donc de l'électricité, pour aller pomper en hiver dans la nappe, pour remplir la bassine. En ce moment, celle où on a fait une action le 22 septembre, elle est en train de se remplir. Pendant 3 mois, il y a 6 pompes à fond les balais qui vont pomper pour remplir la bassine. Il faut 3 mois pour remplir la bassine. Okay ? Et après, il faudra des kilomètres de tuyaux et de nouveau des pompes pour arroser le maïs. Et arroser le maïs, c'est quoi arroser le maïs? Le maïs se nourrit pas de l'eau. Enfin, ce qui stupéfie les gens, c'est que l'arrosage du maïs, déjà, c'est par aspersion. Et ça se fait tout l'été et en plein cagnard. Et pourquoi en plein cagnard? Parce que, et ils le disent eux-mêmes, en fait, arroser du maïs, c'est ni plus ni moins que créer un climat tropical autour de la plante dans l'ouest de la France en plein mois d'août. Mais ouais, c'est ça l'arrosage du maïs, c'est créer un climat tropical autour du maïs. Maïs qui, au passage, je vous le rappelle, est originaire d'Amérique centrale et qui était la déesse de la fécondité chez tous les Amérindiens du Mexique, etc. Et qui est en train de devenir la déesse de la stérilité chez nous, quoi. Voilà, donc conclusion, il n'y a pas de substitution, parce que cette eau qu'on sort en hiver pour remplir les bassines, elle y est pas dans la nappe. On ne sait pas fabriquer d'eau. Si on savait fabriquer de l'eau, on serait sauvé. Et qu'est-ce qu'on entend dire en face de nous? Et qu'est-ce que j'ai entendu dire pendant 4 ans jusque dans les ministères? Mais c'est quand même incroyable, toute cette eau qui sort du champ et qui part à la rivière et qui est perdue et qui finit en mer. Le ministre lui-même de Normandie, qui a fait quand même AgroParisTech, mais je pense qu'il a zappé le cours sur le grand cycle de l'eau, qui nous sort l'année dernière, mais vous vous rendez compte, toute la pluie qu'il a fait, il a plu l'équivalent de 8 ans d'irrigation. Toutes les terres sont inondées. Et c'est vrai qu'on est sorti du mois de mars en Charente-Maritime. Toute la Charente-Maritime était sous l'eau. Mi-mars, il arrête de pleuvoir. Fin avril, on a déjà les premiers arrêtés préfectoraux de limitation de l'irrigation. Ils n'ont pas compris le temps qu'il faut pour qu'une nappe se recharge. Et se recharge de manière importante. Et ça prend du temps. Aujourd'hui, en Charente-Maritime, on ferme à peu près une dizaine de points de captage d'eau potable par an liés à un pesticide interdit depuis 25 ans, l'atrazine. Donc il a fallu 25 ans pour que l'atrazine arrive dans la nappe phréatique. Voilà. Petit exemple, fin août 2019, le débit de la Charente à son estuaire, c'est 9 mètres cubes seconde. C'est un gros robinet, mais ça suffit pas, quoi. Alors, donc, en hiver, donc, ils ont des pompes pour vider le marais, pour pouvoir entrer avec leur tracteur, où ils lâchent l'eau du marais. Et là, nous, on se retrouve en mer avec des baisses de salinité brutales, parce qu'il y a très peu de relations, hein, de discussions entre le monde maritime et le monde terrestre là-dessus. On a vu des lentilles d'eau au milieu des bouchons de moule, quoi. Ça cause, ça veut dire qu'ils ont débité de l'eau, quoi. L'hiver, le printemps, c'est juste la période de reproduction de nos coquillages, de nos moules. Et en été, c'est l'inverse. Il n'y a plus d'eau douce qui arrive par les rivières, il y a une hausse de la salinité. Merde, c'est juste la période de reproduction des huîtres. Et vous avez vu la taille des petites larves de coquilles Saint-Jacques, c'est la même pour nos moules et nos huîtres, quoi. Au stade larvaire, ça ne peut pas supporter ce genre de gestion d'eau, quoi. Et moi, je dis et je maintiens que le sujet, en plus avec le dérèglement climatique qui va nous arriver, c'est un bouleversement complet de la régularité des pluviométries. On va vers un système où on va passer des saisons sèches et des saisons humides avec des abats d'eau qui vont ressembler un petit peu au régime méditerranéen, donc des grosses quantités d'un coup, mais la plupart du temps, pas beaucoup d'eau. Et moins il y a d'eau, plus les... Enfin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais plus les produits chimiques vont être concentrés. On dilue, hein. Quand il y a trop de nitrate dans un point de captage, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va chercher de l'eau un peu moins dégueulasse dans un autre captage. On mélange pour arriver à la dose admissible à la sortie du robinet. Mais on fait ça partout, hein. On fait ça tout le temps. Le lien terre et mer. Pendant des années, en Charente-Maritime, on a eu un problème de cadmium sur les huîtres. C'était problématique. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'ostréiculteurs que chez nous. C'est le premier bassin ostréicole européen. Ça fait vivre à l'année tout le monde. Hein. Sinon, on n'a que le tourisme. Mais le tourisme, on en reparlera. Problème de cadmium. On identifie, c'est un petit peu l'histoire que tu as racontée. Donc, c'est une mine du côté de Decazeville, une mine d'uranium, au bord d'un ruisseau que les gens là-bas appelaient le Rio Mort. Déjà, ils avaient compris que c'était un peu crédios, le coin. Et donc, la pluie, tout simplement, qui ruisselle sur le terril de la mine, amène ce cadmium qui se trouve coincé dans le bouchon vaseux de la Gironde, au contact de l'océan, et sous particules solides. Il met 10 ans à se renouveler, le bouchon vaseux de la Gironde. Et au contact du sel, je suppose, il se solubilise, il devient sel minéral, dissous dans l'eau de mer, et nos animaux sont des filtreurs. Et donc voilà, et il stocke ce cadmium. Bon, on a agi sur la mine en question. Aujourd'hui, la source, elle est bien circonscrite. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait pour pas foutre dans la merde toute une économie locale? On a donné un petit coup de pouce à la norme de cadmium admissible. Sinon, c'était une catastrophe économique. Donc voilà, c'est pas terrible, hein, ce que je vous raconte, mais c'est un peu la réalité des choses, quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? Oui, sur la problématique de l'eau et du lien terre-mer, il faut, et c'est bien que je sois là aujourd'hui, parce que je comprends bien, aujourd'hui, enfin ici, là, c'est à l'occasion du One Ocean Summit, yes, je l'ai dit, donc on parle mer. Et moi, quand j'étais à la conf et que j'allais dans le ministère agriculture ou autre, on parle terre. On habite la même planète, et cette planète, elle ne fonctionne que parce que il faut la penser dans sa globalité, quoi. Et aujourd'hui, en termes de ressources en eau, en termes de ressources quantitatives, qualitatives, enfin surtout qualitatives, mais on est à la ramasse totale en France. Et on a un État, en plus, qui s'assoit sur des décisions de justice. La grande loi qui régit et qui fait référence pour les juristes en termes d'eau, c'est la directive cadre de l'eau. Je vous en ai un petit peu parlé avec des ordres de priorité, etc. On est en contentieux depuis des années avec la France sur la directive nitrate, sur la directive protection des eaux souterraines. Voilà, donc on a déposé donc avec les copains de Bassine Non Merci et puis la Confédération Paysanne, on a déposé une pétition à la Commission européenne. On a été auditionné au mois de mars. Assez rapidement, on a reçu un premier courrier de la Commission européenne qui identifiait 6 directives cadres qui étaient mises à mal par la construction de ces bassines. Dans la foulée, ils envoient un courrier avec des questions précises au gouvernement qu'il a dû recevoir au mois d'avril. Ils avaient 2 mois pour répondre. Ils ont répondu au mois de novembre, poussé et forcé, parce que pendant ce qu'ils ne répondent pas, bah, l'enquête de la Commission européenne, elle ne peut pas se faire, puisqu'ils n'ont pas les réponses de l'État français. Et on les a eues, nous, les réponses de l'État français. Mais tout va bien, Madame la Marquise. On est des super élèves. C'est génial. Donc voilà, moi, je voulais surtout vous alerter là-dessus. Il ne faut surtout pas... et je pense que c'est un des problèmes, la plupart du temps, c'est sectorialiser les luttes. Il faut vraiment faire la convergence des luttes. Moi, je rêve d'une caravane de gens de la mer... l'été, qui circule et qui remonte un bassin versant et qui va expliquer la vie de l'océan jusqu'au fin fond des montagnes. Ben voilà, moi, on a fait le salon à la ferme, sur les fermes l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas le salon de l'agriculture. On a fait donc le vrai salon, d'ailleurs qu'on a déposé à l'INPI, parce qu'on ne voulait pas que les autres nous le piquent. Et j'ai fait une ferme politique dans le Cantal. Et ben dans le Cantal, les gens ont appris que ce qui se passait dans la cour de la ferme où on était avait des incidences sur mes huîtres à Oléron. J'aurais été dans l'Ariège, c'était pareil. Enfin, vous imaginez les bassins versants qu'on a dans notre secteur, entre la Gironde, la Seudre, la Charente, la Sèvre Niortaise et j'en passe. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, voilà, moi, je pense que il faut vraiment, ouais, travailler sur la convergence des luttes. Il faut décoder le discours d'en face. Il faut dénoncer les vrais responsables. Il y a des vrais responsables et il y a des complices. Il y a des complices... c'était quoi les engins, là ? Il y a les dormants et les traînants. Il y a des actifs traînants, c'est-à-dire qui sont... Enfin, des complices actifs et il y a des complices victimes. Victimes. Et les complices actifs, c'est le gouvernement, clairement, qui s'assoit sur plein de jugements de la Cour européenne de justice en ce moment. C'est pas le sujet, mais par exemple sur les OGM. On a gagné sur les OGM, sur les nouveaux EGM, étiquetage obligatoire, Cour européenne de justice, l'État français s'assoit dessus, et il vient de prendre la présidence de l'Union européenne. Voilà. Donc là, on est passé, la lutte donc, qui se focalise sur les bassines de substitution. Ouais, quand même, au passage, pour l'anecdote, donc, on reconstitue un climat tropical dans l'ouest de la France pour arroser du maïs qu'on exporte. Et de l'autre côté de la France, dans l'est, qu'est-ce qu'on fait ? On stocke de l'eau pour fabriquer de la neige de culture. Voilà, il y a des stations dans les Alpes qui produisent de la neige toute l'année, tout l'été. Voilà, avec de l'eau potable, de l'eau douce, auquel on rajoute un adjuvant pour que l'eau puisse commencer à geler à partir de 7 degrés. Et tout ça, ça se retrouve dans les pâturages, ça se retrouve à la fonte des neiges dans les rivières, et ça se retrouve évidemment, puisque nous, on le sait, on habite en bord de mer, dans la mer, quoi. Donc voilà. Donc si les zouaves dont on a parlé hier, là, qui veulent faire de l'économie bleue, là, et qui veulent produire du phytoplancton pour capter le carbone, etc., veulent le faire, ok, mais sans eau, ça va être compliqué. Je reviens juste sur le rôle donc, de l'eau douce en mer, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de mon truc. Je suis un peu décousu, hein, mais c'est normal, c'est l'âge. J'ai 300 ans, j'ai trois tempêtes centrales sur le dos. Ouais, donc l'eau douce amène les sels minéraux. Sels minéraux, développement du phytoplancton. On l'a dit hier et redit, c'est donc le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais ce n'est pas que ça. C'est la première biomasse végétale de la planète. Parce que les océans, c'est 4/5 de la surface de la planète. Donc le premier producteur d'oxygène de la planète, bien avant les forêts. On nous cite toujours la forêt tropicale, la forêt amazonienne, comme étant le poumon de la planète, c'est faux. Une forêt, globalement, son bilan oxygène, il est neutre, parce qu'une forêt, elle fabrique de l'humus, c'est qu'il y a des bactéries qui consomment l'oxygène, etc., etc. Bon, il y a une petite production positive, mais rien à voir avec le phytoplancton. C'est un piège à carbone. De deux manières, parce qu'il y en a certains certainement qui ont des coquilles un peu calcaires, mais c'est surtout parce que c'est et tout ce qui est un support calcaire en mer, c'est un véritable piège à carbone définitif. Donc les coraux, les algues calcaires et nos coquillages, c'est du carbonate de calcium, et ce carbonate de calcium va devenir du calcaire, et ce carbone qui est capturé là, il est capturé à des échelles de temps géologiques. Tout ce qu'on va pouvoir faire en captation de carbone à terre, à moins qu'on laisse les forêts vieillir jusqu'au stade du charbon, à un moment ou à un autre, ce carbone-là, on va le relarguer. En brûlant le bois dans sa cheminée. Donc voilà, on a parlé hier du marché carbone quand on a eu nos 98% de mortalité dans les moules. On a un cabinet conseil qui est venu nous voir, qui a fait les calculs et tout, bien 12 000 tonnes de moules. Vous êtes éligible sur le marché du carbone à hauteur de 11 millions d'euros par an. Heureusement qu'on est encore un peu lucide, nous, professionnels de la mer, et qu'on n'est pas adhérents à la FNSEA, parce que, à la limite, c'est vachement plus intéressant de faire de la moule crevée et d'encaisser. Ben oui, parce que pour faire 11 millions d'euros avec 12 000 tonnes de moules, je peux te dire que faudrait la vendre cher. Mais non, on a refusé, quoi. Voilà, c'est donner un sein blanc à des pourris qui vont pourrir la planète et qui vont se racheter une conscience en venant nous dédommager les pertes de nos coquillages. C'est complètement nul. Mais je ne doute pas qu'un jour, les choses peuvent évoluer et que certains professionnels pourraient aller vers là. C'est clair qu'en agriculture, on est dedans. On est dedans. À terme, ils veulent supprimer la PAC et remplacer par des revenus différents. Alors les services rendus pour la nature, marché du carbone, etc. Et les paysans, comme ils n'ont pas de revenus, ils vont y aller. Et la difficulté du monde paysan aujourd'hui, c'est que vous avez, dans les 10 ans qui viennent, c'est l'histoire de la courbe démographique. Mais ça s'anticipe quand on est un politique. C'est même le rôle du politique. Dans les 10 ans qui viennent, il y a 50% des paysans qui partent à la retraite. Vous pensez réellement que si vous étiez paysan à 5 ans de la retraite, avec à peine 600 euros de revenus par mois, des emprunts sur le dos jusque-là, vous allez changer votre modèle agricole? Alors qu'il faut 3 ans pour passer, par exemple, du conventionnel en bio. Ben non. Ils vont aller jusqu'au bout de leur carrière professionnelle. Et c'est logique, et c'est humain, et c'est normal. Voilà, voilà. Alors, la lutte s'organise et là on est devant l'attitude de l'État, devant la complicité évidente, mais c'est même plus de la complicité, je pense que c'est Christiane Lambert qui écrit les discours du ministre des ministres de l'Agriculture. Ouais, petite anecdote au passage, 4 ans de secrétariat de secrétaire national à la Confédération paysanne, en 4 ans, j'ai vécu quand même rien moins que 4 ministres de l'Agriculture et 4 ministres de l'Environnement. C'est cool, un par an, ça, on peut travailler, on peut avancer dans les dossiers, et c'est une des priorités de Macron. Non mais faut arrêter de rigoler, quoi. Toutes les grands messes qu'a fait Macron, et il en a fait les grands messes, hein, les états généraux de l'alimentation, les assises de l'eau, la convention citoyenne, le grand débat public sur la PAC, toutes les consultations grand public, c'est toujours la même conclusion, tous les citoyens demandent un changement du modèle agricole et le plus rapidement possible. Ça débouche sur quoi? C'est Christiane Lambert qui écrit les discours de Normandie, qui ne sait pas ce que c'est que le grand cycle de l'eau. Et là, on est passé clairement et à visage découvert, et vous allez voir, c'est bizarre, à la désobéissance civile. Devant un État qui ne respecte même pas un commun comme l'eau, on est passé à la désobéissance civile. Donc, on a arrêté. Et dernièrement, on a démonté une pompe qu'on a essayé d'aller rendre au ministre de l'Agriculture pour lui prouver quand même que c'était pas de l'eau de pluie qui remplissait les bassines, c'était bien de l'eau pompée dans la nappe. On est arrivé jusqu'à la porte du ministère, puis là, il y a un petit cordon de CRS qui nous a ramené au métro. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu démocratique, ça s'appelle. Mais oui, clairement. Et alors, oui, petite anecdote, donc sur les deux premières actions de destruction, bon, voilà. Il n'y a personne qui a été pris. Sur l'arrêt du chantier, par contre, dans les 4 jours qui suivent, il y a eu des gardes à vue. Et sur le démontage de la pompe, la dernière action là, du mois de novembre, à visage découvert, revendiquée, puisqu'on a ramené la pompe au ministère de l'Agriculture, c'était au mois de novembre, il n'y a toujours pas de garde à vue. Et nous, on pense très sérieusement qu'ils ne veulent pas qu'on atteigne le stade du tribunal. Parce que là, on va avoir une tribune, là, on va avoir des juges, là, des juges qui vont lire le droit, et là, mais ils ne sont pas dans les clous, mais à aucun moment ils sont dans les clous. Ils ont passé les tuyaux en plein hiver, ils ont traversé une zone Natura 2000. Interdiction absolue de faire des travaux dans une zone Natura 2000 entre novembre et mars. Ben voilà, la totale, quoi. Voilà. Donc, on vous le redira demain, mais il y a une grosse fiesta Waterstock qui se prépare le printemps maraîchin, le 25, 26 et 27 mars prochain, avec des conférences, des débats, des actions de désobéissance civile, des concerts. Voilà, ça va être, pour fêter l'arrivée du printemps, un bon moment. C'est se passe du côté de Niort. Voilà, c'est à 4-5 heures de route, peut-être 5 heures de route de chez vous, en plein marais Poitevin. Bon, ben, je vais peut-être m'arrêter là. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Ah ouais, en conclusion quand même, je voulais vous dire, parce qu'on est parti dans l'univers, et je voudrais bien revenir sur, pas franchement dans l'univers, mais sur un sujet, moi, qui me turlupine et qui me pose question. Vous savez que depuis que l'humanité existe, les humains ont toujours migré sur la planète. Hein. Voilà, on a toujours bougé, on a conquis des continents et tout. Vous savez quelle est la tendance actuelle et depuis des années des grandes migrations humaines, hein, celles qui ne sont pas conscientes, mais c'est ce qu'ils se font à l'échelle de tous les continents aujourd'hui, eh bien, l'être humain est en train de quitter le centre des continents et de se rapprocher du bord de mer. Eh bien, moi, je ne suis pas un auteur de science-fiction, mais je me dis qu'il y a peut-être là un animal bizarre qui est en plein dérèglement climatique alors qu'on lui dit que la mer, les soulèvements de la mer, les soulèvements de la mer sont là, qui est en train de s'installer massivement sur tous les continents en bord de mer, quand on sait que ce petit animal, c'est une goutte d'eau de mer, on peut peut-être se demander si on n'est pas en train de se rapprocher de nos origines tout doucement. Non, voilà, c'était un peu d'humour, mais ça pose question quand même. Moi, ça m'interpelle. Je comprendrais qu'il n'y ait pas beaucoup de questions parce qu'à cette heure-là, tout le monde est fatigué. De rien. Et comme on dit en breton, trougraise. J'ai pas l'accent. Oui, j'ai une question. On va voir ton regard. Bon, je suis dans un labo et j'ai, un peu par hasard, accompagné un gars qui faisait une thèse sur la culture des huîtres et l'histoire, tu vois, à la fois anthropo, éco, de l'huître. Et en fait, l'hypothèse qui a été émise au départ, c'est que la culture d'huître amène à peu près toutes les 10-15 ans des accidents, des effondrements. C'est un labo qui est UMR, c'est une UMR Ifremer, hein, où je suis. Hein, donc l'Ifremer est là. Hein. Et d'ailleurs, le directeur de thèse était Ifremer. Mais... Et le regard que posait ce directeur de thèse, c'était culture intensive, accident. Enfin voilà, les chercheurs débarquent, entre autres les biologistes, trouve une solution, et on repart pour un cycle de 10 ou 15 ans, à nouveau effondrement, et qu'en fait, on était voilà, dans une gestion de l'huître, enfin, ou du coquillage d'une manière générale, où le scientifique arrive comme pompier, trouve une solution qui n'en sera pas une, et en fait, on avance, et c'est un système qui est non pertinent si on prend du recul. Et donc, en fait, l'objet de la thèse, c'était voilà, essayer de faire une synthèse de cette histoire-là. Mais donc, tu parlais voilà, des, que la zone où tu es, toi, c'est... zut, comment c'est les... Ah, on fait naître les huîtres, tu dis... Le captage sur... Oui, le captage, voilà, c'est ouais. toute la zone. Ouais, et ouais, après... bah, Arcachon, voilà, Oléron, Arcachon, c'est le captage voilà. d'huîtres, et Oléron et le Sud-Vendée, voilà. c'est le captage de moules voilà. et huîtres. Et après, ça monte en Bretagne, voilà, mais il y a tout un cycle, et tout ça, c'est... Alors, le scientifique, entre guillemets, a joué sa fonction dans tout ce schéma, on va dire, économique, mais quel est ton regard? Parce que, là, entre guillemets, ces laboratoires scientifiques amènent des réponses, essayer d'accompagner, mais en même temps sont inscrits, on a eu le débat tout à l'heure, hein, sont inscrits dans un courant dominant et ou répondent à des demandes économiques qui sont dans un courant dominant. Et quel est ton regard par rapport à ça? Ouais, eh ben moi je veux bien répondre à ça. Et moi j'ai deux expériences par rapport. Alors sur l'histoire de l'ostriculture, c'est très très clair. Hein. Il y avait des mortalités, surtout des mortalités estivales. Qui ont été liés pendant longtemps à un surpâturage, en fait. On est des éleveurs, hein. Le bassin de Marennes-Oléron, c'est une mer intérieure, elle se renouvelle tous les temps, il y a une biomasse disponible de phytoplancton. Si tu mets trop d'animaux c'est comme sur Terre, hein. Si tu mets 10 vaches à l'hectare alors que le pré, il en supporte qu'une, elles vont pas bouffer, elles vont maigrir. Donc c'était pareil pour les huîtres. Et en fait, ça, les professionnels s'en sont rendus compte, et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus parler de surdensité de coquillages, en tous les cas, dans notre secteur. Par contre, la dérive qu'il y a eu, et là, je ne mets pas... Là, les deux professions ont une part de responsabilité. Une petite poignée d'ostriculteurs. Quand je dis une petite poignée, sur 2000 exploitants, je dirais, allez, au départ, une vingtaine d'exploitants. Vous savez, ces gens-là, qui n'aiment qu'une chose, c'est brasser, faire du chef d'affaires, gagner de l'argent, ont voulu... faire manger de l'huître au plus grand nombre pour faire du fric. Donc, on sortit l'huître qui, traditionnellement, c'était de la vente directe sur les marchés, c'est encore beaucoup, dans les grandes surfaces. Grandes surfaces, peu de marge, gros volume. Donc, il a fallu améliorer la productivité de l'élevage d'huître. Donc ça a commencé tout bêtement, ces gros-là, nous on les appelle des grous hein, chez nous, c'est le terme ont commencé les histoires de transhumance d'huîtres. C'est-à-dire ça poussait plus suffisamment, il y avait trop de densité, c'est pas grave. Bah, la plupart des familles d'ostriculteurs qui sont installées, Paimpol, Normandie ou autres, vous regardez dans leurs antérieurs, ils sont d'origine charentaise. Donc ils ont émigré pour aller faire des huîtres ailleurs. Puis il y a des gens de chez nous, forcément vous arrivez dans une baie où il n'y a pas de coquillages, vous mettez des coquillages, il y a à manger. Donc au lieu de mettre 4 ans pour faire un numéro 3, en un an et demi, ils faisaient un numéro 3. Mais ils ont saturé ces zones-là, donc ils sont partis en Irlande. Bon, je passe, aujourd'hui, des huîtres de Marennes-Oléron, vendues Marennes-Oléron, ils s'en élèvent depuis l'Écosse jusqu'au Maroc, et même, j'ai ouï dire, dernièrement, en mer Noire, il y a des ostriculteurs qui sont partis faire des huîtres en mer Noire, quoi. C'est le grand délire. Et donc gain de productivité, puisqu'on raccourcit le cycle de production. Après, l'évolution moderne de l'huître des closeries, et notamment de la triploïde, là par contre, je pense que les chercheurs ont une responsabilité, parce qu'entre-temps, ce qui était de la recherche publique, en fait, est devenu semi-public, donc avec une nécessité d'être dans l'économie de marché et de travailler avec le prix. Oui, ben justement. Et donc, du coup, ils ont dit aux ostriculteurs, mais on peut encore faire mieux, on peut faire la tomate grappe de l'huître. On peut vous faire une huître qui sera constante toute l'année. Alors, le truc nickel pour la grande surface, grasse toute l'année et tout. Et donc, ils font la triploïde. Juste en 30 secondes, la triploïde, donc on croise une diploïde. Non, à partir de diploïde, on fabrique des tétraploïdes, 4 paires de chromosomes, et quand on croise 4 paires de chromosomes et 2 paires de chromosomes, on obtient une lignée de triploïdes vendue pour être stérile. Donc elle ne consomme pas de, enfin elle ne consomme pas d'énergie à se reproduire. Elle bouffe tout le temps, donc elle pousse beaucoup plus vite, tellement vite qu'au début les gars ils se sont fait avoir, elles passaient à travers les mailles en plastique des poches, tellement ça c'est poussant. Il faut des parcs parce que très vite ils se sont trouvés débordés, ils se sont retrouvés avec des gros numéros. Au début ils n'arrivaient pas à gérer quoi. Et puis bon, je passe hein, parce que c'est vraiment une histoire compliquée. La tétraploïde, c'est un peu, on est un peu sur un organisme, voilà le. La méthode de fabrication des tétraploïdes peut être assimilée en fait à un organisme modifié, quoi. Il y a traitement chimique ou traitement thermique, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on ne sait pas où sont. Il n'y a aucune traçabilité des stocks de triploïdes dans le milieu ouvert. On sait qu'il y a à peu près 30% des triploïdes qui produisent des gonades. Ça veut dire qu'elles sont susceptibles de se reproduire dans le milieu ouvert. Donc avec des diploïdes, dans un contexte où même s'il n'y avait pas tous les autres problèmes dont on suspecte quand même que peut-être certaines mortalités pourraient être, on va le savoir dans quelques années, comme pour la palourde, sortir de l'écloserie, parce que l'écloserie c'est rock'n'roll, hein, c'est hyper technique, comme, et aujourd'hui n'importe quel écloseur, aujourd'hui peut faire, puisque c'est dans le domaine public, peut fabriquer ses tétraploïdes comme il veut. Hein. Donc il y a un gros point d'interrogation par rapport à ça. Sur une espèce invasive. Donc le métier de l'ostréiculteur, c'était de réguler un stock d'animaux invasifs. On va rajouter des animaux qu'on produit en écloserie, avec tout le problème que j'ai posé tout à l'heure sur ma question sur le fardeau génétique des animaux produits en écloserie. Ça n'a aucun sens pour vendre de l'huître toute l'année alors que c'est des fruits de mer. Il y a une saison dans les fruits, quoi. Nous, ça y est, les moules, aux premières brumes, on arrête à la Toussaint. On arrête de commercialiser des moules, en tous les cas chez nous, et on a formé nos restaurateurs. Vous ne pouvez pas aller sur l'île d'Oléron en ce moment pour manger une moule frite. Parce qu'on a formé nos restaurateurs à travailler les produits locaux et à travailler la saison. Toutes les moules frites que vous trouvez aujourd'hui, c'est des moules d'Irlande, c'est des moules de Hollande, mais ce n'est pas des moules françaises. Voilà, à quoi ça sert d'avoir un produit festif qui était le symbole de Noël et qu'on trouve toute l'année et sans particularité, sans particularisme en fait. Et mon autre expérience avec les chercheurs, j'ai un peu des soucis, je les aime bien. Hein. Au demeurant, c'est des gens super intéressants. Je pense tous vraiment honnêtes et imprégnés de leur sujet, mais un peu déconnectés de la réalité économique du terrain. Moi, je pense. Hein. Et avec Ifremer, je m'excuse, hein, je le dis, hein, parce que c'est ce que je remarque. Ah ouais, ben maintenant, j'ai des copains qui sont... Ouais, c'est des copains hein, qui étaient chercheurs à Ifremer, qui sont à la retraite, et leur discours est différent du discours qu'ils tenaient dans les réunions publiques quand ils étaient en profession à Ifremer. Et l'autre sujet avec lequel j'ai eu affaire à eux, c'est que quand je suis arrivé sur Oléron, je vous ai dit, je faisais des chèvres dans les Cévennes, donc putain, les productions animales, c'est quand même une galère, une contrainte, voilà. Oh, je vais passer au végétal. Et donc ça, c'était en 89, je me dis, tiens, je vais faire de la culture d'algues. En 89, on commençait tout juste à parler de la culture du wakame, Undaria pinnatifida. Au passage, algue introduite accidentellement en France, qui s'est acclimatée dans les Tanto quand on a introduit l'huître du Japon. Je pense que Ifremer n'a servi qu'à introduire des espèces invasives. On a parlé de la palourde, on a parlé de... l'huître japonaise, c'est une espèce invasive. Voilà. Donc, en introduisant les huîtres du Japon, on a introduit la sargasse et on a introduit le wakame. Et là, donc, je me retrouve à faire... Donc, pour avoir accès aux concessions marines, il faut avoir un diplôme professionnel qui donne accès à la possibilité d'avoir des concessions. Et dans le cadre de cette formation qui dure 6 mois, il y a un stage à faire en entreprise. À l'époque, 89, il n'y a pas d'entreprise qui produise des algues. Par contre, il y a le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues. D'ailleurs, au passage, qui est le centre... le centre repère européen par rapport à la problématique des marées vertes. Il bosse beaucoup sur le sujet... Le centre de référence européen sur les marées vertes. Marées vertes, aujourd'hui, le suivi... Je dérive un peu. C'est de Dieppe jusqu'à Oléron. Hein. C'est tout l'Estran rocheux, en fait, qui est touché par les marées vertes. Vous n'avez pas de bol, vous. Vos sangliers, ils ne savent pas lire les panneaux. Donc, ils vont crever dans l'âge de zeste. Mais nous, ils n'y vont pas. Donc, on n'a pas de soucis par rapport à ça. Donc, je reviens aux algues. Et donc, moi, je veux m'installer, mais je veux m'installer à Oléron. Et c'était l'époque où Ifremer faisait le transfert au CEVA pour pouvoir mettre au point une technique un peu plus adaptable à un professionnel lambda comme moi, quoi. Et je me suis retrouvé à gérer la ferme de référence technico-économique du CEVA. Et bon, il me propose de rester dans les Côtes d'Armor. Moi, c'était pas mon climat, donc j'ai dit non, j'ai demandé ma concession à Oléron. Et je vais poser la question au référent de l'époque sur la culture du wakame, qui était René Pérez, d'Ifremer à Nantes. Et il me dit, mais mon pauvre ami, ne te lance jamais dans le wakame au sud de la Loire. Les eaux sont trop turbides. Ça poussera pas, quoi. Vous y arriverez pas. Turbide, trouble, chargé de sédiments. Eh ben ouais. Eh ben, vous avez fait l'expérience de mettre une plante verte dans un coin d'une pièce avec la fenêtre de l'autre côté. Eh ben, moi, j'ai fait du wakame dans les Côtes d'Armor avec 10,50 m de marnage. Vous avez une laminaire, vous avez un stipe, une nervure centrale, puis vous avez une petite lame là qui bat de l'aile, qui est toute échancrée parce que à mi-marée, elle est dans le courant et vibre comme une corde de violon. Elle n'arrive pas à se développer. En Charente-Maritime, mais mes amis, mais c'était la Beauce. des trucs de 3,50 m de long, de 70-80 cm de large de chaque côté de la nervure centrale. Enfin, des feuilles de palmier, quoi. C'était extraordinaire. Une couleur brun foncé et tout, bah parce qu'elle cherchait la lumière. Bon, 99 a tout désaillé. Économiquement, les algues alimentaires n'ont jamais franchement décollé. On lit toujours que ça va décoller, que c'est l'avenir, mais ça n'a pas décollé. On se rémunérait pas, quoi. Par contre, du wakame, j'ai participé à l'enrichissement de la biodiversité de la minère sur la côte atlantique, hein, parce que ça devait pas pousser au sud de la Loire. Dans tous les ports, en fait, elle a trouvé son support idéal. C'est les caissons qui sont sous les appontements des ports et des Sables d'Olonne jusqu'à Royan. Alors, elle n'est pas gênante parce qu'elle est dans sa phase microscopique en été. Donc, les touristes ne la voient pas, donc ils gueulent pas, parce que c'est surtout les étrangers hein, qui gueulent contre les nuisances, c'est pas toujours les locaux. Et donc, elle se développe plus tôt, c'est un cycle d'hiver. Et donc, l'été, elle est invisible. Mais voilà, donc encore une espèce que, voilà, qu'on a mis en culture et puis qui est devenue, voilà, qui s'est installée. Après, elle a trouvé sa niche dans les laminaires. Bon, là, on rentre dans un autre cours. Les laminaires locales ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Elle, c'est un cycle de 6 mois. Donc, au bout d'un moment, dans le milieu naturel, elle trouve plus, les spores trouvent plus d'endroits où se poser, quoi. En algues, pour continuer sur les algues, nous, chez nous, là, un peu plus au sud que chez vous, on a perdu quasiment tous nos champs de fucales. On n'a plus d'algues brunes. Et par contre, algues rouges et algues vertes en pagaille, quoi. Vous retournez une roche. Quelle que soit l'année, là, en plein hiver, les plantules, elles sont déjà hautes comme ça. Et quelle que soit l'année, vous retournez une roche, elle est blanche, vous repassez 3 jours après, elle est toute verte, quoi. Donc on est dans les algues vertes à fond. Et on n'a pas de cochon. D'où vient ce nitrate? Gros danger aussi pour l'océan, gros danger à venir, la méthanisation à outrance. On va parler un petit peu de l'agriculture, du coup. Parce que du coup, les paysans, là, ils amènent plus du tout de structure au sol. Tout ce qu'ils amènent, c'est des engrais sous forme liquide, donc azote de synthèse, et puis maintenant donc les jus de méthanisation. Donc il n'y a plus de structuration du sol. Et donc ça va poser un réel problème assez rapidement. Voilà, donc gros danger sur cette mouvance actuelle de la méthanisation. Hein ? La méthanisation ? Eh ben, c'est la production de biogaz sur les fermes pour faire du revenu. Donc on fait soit des cultures dédiées, soit les effluents d'élevage qu'on passe dans le méthaniseur. Et derrière, ce qui reste, c'est le digestat, en fait. Mais tout ça, ça n'a pas de structure, il n'y a plus de paille, il n'y a plus rien. Voilà. Bah ouais. Excuse-moi, tu peux détailler juste un peu en quoi la méthanisation aurait un impact sur la flotte de la mer derrière ? Ou l'estrange, je sais pas. Eh ben parce que c'est un peu comme le système du lisier. C'est un engrais sous forme liquide, en fait. Et donc, sur des terres, avec la pluviométrie qu'on va avoir, le lessivage des terres et tout ça va arriver à la mer très vite. En plus, les rivières, c'est plus les rivières de dans le temps. Hein. C'est des autoroutes de l'eau. Hein. Parce qu'ils ont rectifié, ils ont supprimé les zones inondables, ils ont rectifié des méandres. Enfin voilà, maintenant les rivières, enfin, là où il fallait peut-être 3 semaines, 1 mois pour que l'eau arrive à la mer, aujourd'hui en quelques heures chez nous, elle arrive à la mer, quoi. Ouais, puis un sol qui, le sol n'est plus structuré. Si tu n'amènes pas de carbone, mais de carbone sous forme solide, de la paille, des copeaux de bois, des choses comme ça, pour structurer un peu ton sol, petit à petit ton sol c'est plus rien du tout. Il se lessive dès qu'il pleut, il part, quoi. Oui, je trouverais un petit peu dommage, puisqu'on parle des bassins versants, il me semblerait important de donner à voir l'impact de l'agriculture et l'impact de l'élevage, et puisqu'on est en Bretagne et que la Bretagne est la première région d'élevage, de donner à voir très précisément l'impact de l'élevage sur le milieu maritime. Tu as raison, ouais, j'ai pris mon exemple personnel, mais c'est vrai que c'est important, et notamment l'élevage industriel. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple des Côtes d'Armor, puisque nous venons des Côtes d'Armor et que les Côtes d'Armor est le premier département d'élevage de France, et qu'on a eu par ailleurs la chance de pouvoir lire dans le rapport de la Cour des comptes du 2 juillet 2021 les chiffres précis sur le cheptel animal. Il faut savoir quand même que la base nationale d'identification des porcs et la base nationale d'identification des volailles n'est pas publique, c'est la propriété du ministère de l'Agriculture. Donc lorsque la Cour des comptes a voulu s'y intéresser, c'est vrai qu'elle n'a même pas pu avoir accès à ces chiffres, et le préfet de département et le préfet de région et ses services n'ont plus les chiffres sur la densité animale. Mais la Cour des comptes a pris sa calculette, a pris les déclarations annuelles de flux d'azote, enfin a trouvé des sources qui lui a permis de donner à voir ce qu'était le cheptel dans le département. Alors, tenez-vous bien, en moyenne sur un hectare de surface agricole utile dans les Côtes d'Armor, c'est une moyenne, sur chaque hectare, vous avez 1,1 bovin plus 22 porcs plus 248 volailles. Alors évidemment, quand vous vous promenez dans la campagne, vous ne voyez pas tout ce cheptel qui est enfermé dans des grands bâtiments. Je pense que si le cheptel était sorti, enfin, je ne sais pas, imaginez, vous baladez dans la campagne en voiture, et un hectare, c'est jamais qu'un carré de 100 sur 100. Imaginez que sur chaque carré de 100 sur 100 agricole dans les Côtes d'Armor, vous avez un bovin plus 22 porcs plus 248 volailles, sachant qu'il faut déjà un hectare pour nourrir un bovin, une vache, et pour supporter ses déjections. Alors, évidemment, les déjections de tous ces animaux-là, ça fait des quantités phénoménales d'azote, de nitrate, et on parlait de méthanisation tout à l'heure. C'est le dernier truc qu'on a trouvé. Il y a eu les stations de traitement de lisier, hein, mais maintenant, ça ne suffit pas. Donc, comme il n'y a pas suffisamment de terre d'épandage pour tous ces lisiers, ces fientes et ces fumiers, eh bien, on va les emmener dans un méthaniseur. L'ennui, c'est que dans un méthaniseur, il sort autant d'azote qu'il en rentre. Donc, ça ne règle pas du tout le problème de l'azote. Et pourquoi est-on donc en Bretagne et puis dans les dans le rapport de la Cour des comptes, vous ne trouverez pas le chiffre pour les Côtes d'Armor, pour le Finistère, parce qu'elle n'a pas réussi pour les 8 bassins versants à faire les calculs partout. La baie de Saint-Brieuc, bon, c'est encore pire si on prend le bassin versant de la Saint-Brieuc, c'est un bovin, 37 cochons et demi et 252 volailles. Et le pire, c'est la baie de la Fresnaye. Bon, des chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Alors bien évidemment, tous ces animaux ne peuvent pas être nourris sur les terres agricoles bretonnes. Donc il y a importation massive. La moitié à peu près des animaux sont nourris sur les terres bretonnes. Et l'autre, pour moitié, il faut importer de l'azote, c'est-à-dire importer du soja, mais aussi importer du maïs, hein, du maïs venant de chez vous, là, hein, des trains de céréales, du tournesol. Donc on importe massivement de l'azote et on exporte évidemment de la viande de porc. Alors la Coper, le numéro 1 du porc en France, se vante d'exporter 34% de la viande hors de France et la moitié en Asie. Donc pour résumer, on importe de l'azote, on exporte de la viande puisqu'on prétend nourrir le monde, et on garde la merde, on garde la pollution. Alors évidemment, on parle nitrate, on parle azote, mais je souligne quand même que la profession agricole a fait en sorte de concentrer les débats et donc concentrer la réglementation sur l'azote, et on ne parle pas du tout des pesticides, ni des résidus d'antibiotiques, ni du cadmium qu'on a dans mais les engrais phosphatés. Tous, ils sont tous en HVE maintenant, en haute valeur environnementale, voilà. Donc il n'y a plus de soucis. Donc il y a toute une kyrielle comme ça d'impacts environnementaux très préoccupants liés à l'agriculture, mais la réglementation ne connaît qu'une chose, c'est l'azote. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est vrai que si avec cette réglementation, tous ces plans qui se sont succédés, on est au septième, on va arriver au septième plan d'action régional nitrate, troisième plan algues vertes, on a eu le PMPOA avant, j'en oublie, il y en a eu tellement de plans, de programmes et de chartes, on est les champions, c'est que, pardon. Ah oui, je termine. Non, mais il me semblait important quand même de parler de l'agriculture bretonne parce que c'est cette agriculture-là qui se déverse dans la mer. Et je voulais juste terminer en disant que on a toute une réglementation très compliquée sur le nitrate. Simplement, on a baissé, c'est vrai, le taux de nitrate en Bretagne est monté quand il était à son maximum à 53 mg au milieu des années 90. On est descendu à peu près à 32. Il va falloir descendre en dessous de 10 pour que les marées vertes disparaissent. Simplement, retenez bien ceci, c'est que depuis 2014-2015, les taux de nitrate ne baissent plus, voire commencent à remonter, parce qu'on a, on a fait la moitié la plus facile du chemin. Et surtout, maintenant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et faire baisser les taux de nitrate, il va falloir réformer le système agricole en profondeur. On a fait tout ce qu'il était possible dans le cadre du système de l'élevage industriel existant et on ne pourra pas aller au-delà sans renverser la table. J'adhère effectivement complètement à ce que vous dites. Je peux rajouter deux productions problématiques pour la qualité de l'eau, c'est l'arboriculture et la viticulture, notamment en termes de pesticides. Voilà. Mais de dire aussi, parce que faudrait. Enfin, moi, vous avez entièrement raison, hein, puis j'approuve et tout, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans le biais qu'on est tombé aussi tout à l'heure, et ça a été dit de. Tout à l'heure, on stigmatisait les pêcheurs. Certains ont dit, bah oui, mais non, stigmatisons pas que les paysans. Ils ont leur bonne part, mais on a tous aussi notre part, parce qu'en mer, il y a aussi l'eau des stations d'épuration. Avec les molécules pharmaceutiques qui sont pas retenues dans les stations d'épuration, et il y a le pluvial avec l'urbanisation du bord de mer, et le pluvial c'est pareil, la plupart du temps le pluvial il va directement à la mer sans passer par des stations de lagunage ou autres, et donc voilà, ça craint aussi. Donc nous mêmes citoyens, on est acteurs de la pollution de l'océan. J'ai un petit complément de question. En fait, vu que vous avez été à la fois agriculteur et plutôt travaillant sur la mer, on voit bien les conflits d'intérêts. Et là, récemment, il y a une étude qui a été publiée qui montre qu'en fait, l'arrivée des algues toxiques qui empêchent la pêche des coquilles Saint-Jacques, par exemple, est liée aux arrivées des intrants, des phosphates après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu un shift des communautés qui est assez clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est des gens qui travaillent, on va dire, je ne vais pas utiliser nature parce que j'aime plus ce mot-là, des personnes reconnaîtront pourquoi. Enfin bref, cet environnement, on travaille proche de notre environnement, des deux côtés, les agriculteurs et les pêcheurs. Et j'ai l'impression. Et pourquoi il n'y a pas de solidarité sur cette aberration, en fait, d'utilisation de notre environnement et D'après votre expérience, qu'est-ce qui fait ça? Déjà, il y a une chose très évidente, c'est que la rencontre entre les deux professions ne sont pas faciles pour une simple raison, c'est qu'on n'habite pas la même planète et on n'a pas le même calendrier. Nous, les paysans de la mer, pêcheurs, etc., on est sur un calendrier lunaire. Les marées se décalent de 3/4 tous les jours. Le paysan, il n'est pas dans ce contexte-là. Et quand vous avez passé une journée en mer, aller à une réunion le soir pour aller parler des problématiques agricoles, c'est pas évident pour un paysan de la mer. Ça, c'est clair. On a pas mal d'adhérents paysans de la mer à la Confédération paysanne. On a l'association ostriculteur traditionnel qui se bat contre les huîtres des closeries. Pas que la triplo, du coup. Parce qu'avec les diplos, ils pensent aussi qu'il y a des soucis. On a quasiment la quasi-totalité des sauniers de la coopérative de Guérande, On a l'association qui gère l'AOC Moule de Mont-Saint-Michel. Je crois que c'est la seule AOC en produits de la mer. Ça a fait du foin dans le milieu maritime, parce que la baie du Mont-Saint-Michel, c'est les premiers producteurs de moules quand même en France. On a quelques pêcheurs à pied, parce qu'ils sont sur le régime MSA. On ne pourrait pas avoir de pêcheurs, par exemple, pour répondre à ta question. On a des contacts avec des pêcheurs, mais ils pourraient pas adhérer à un syndicat agricole, parce que les pêcheurs ne sont pas des producteurs, ils relèvent du registre du commerce. Et un syndicat agricole ne peut accueillir en tant que membre que des gens qui relèvent soit de la MSA, qui est la couverture sociale à terre, soit de la MSA ou de l'ENIM pour ceux qui sont en mer. Mais voilà, on ne pourrait pas accueillir. Et il n'y a pas de tradition syndicale au sens généraliste comme en agriculture en mer. Tout à l'heure, le CNC, là, le Comité National Conchylicole, a été présenté comme l'équivalent d'une chambre d'agriculture. Je ne suis pas d'accord. Le CNC, c'est une interprofession. Quand moi, j'ai siégé au CNC, hein, en tant que dans le collège multilicole. Au Comité National Conchylicole, il y a aussi les mareyeurs, il y a les poissonniers, il y a la grande surface. C'est pas là que vous allez faire du syndicalisme. Parce que si vous commencez à parler de vos conditions sociales, économiques ou autres, il y a le zouave. Ah ben, je les ai jamais entendus. En 3 ans que j'ai siégé au CNC, j'ai jamais entendu un représentant de la grande surface prendre la parole. Par contre, ils sont au fond de la classe, ils prennent des notes, et à partir des notes qu'ils ont prises, ils vont commencer à démarcher pour fixer le prix de la campagne de Noël des huîtres, quoi. Donc voilà, il n'y a pas cette tradition, et ça a été compliqué, hein. Moi, ça a été depuis 2012, au sein de la conf, c'était mon rôle, en fait, hein, de faire le lien entre les paysans de la terre et les paysans de la mer. On a fait des rencontres départementales. Oh, génial! La première rencontre départementale, c'est dans le Morbihan, c'est un petit peu plus au sud. Et là, on est accueillis, donc, paysans de la conf, hein, de la terre, et puis dans un atelier, je ne sais pas comment vous dites ici, chantier, cabane, atelier, enfin bref, sur une entreprise ostréicole. Et là, le gars, il se présente, et il dit, bah ouais, le souci avec vous, les paysans de la terre, c'est que quand vous parlez de phyto, vous parlez de phytosanitaires, quoi, qui sont toxiques pour la vie, la santé humaine et tout. Et puis nous, quand on parle de phyto, on parle de phytoplancton. C'est pas tout à fait la même chose. Tu vois, il y a, voilà. Et puis, et la formation. La formation a un rôle à jouer. La formation dans les écoles d'agriculture, mais c'est une catastrophe, quoi. Ils sont toujours sur le même modèle productiviste de l'après-guerre. Alors que toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui sont liées à cette dérive productiviste. Et puis qu'on n'est plus en après-guerre. Il faut qu'on raisonne différemment. Il n'y a pas une métropole locale. Enfin, en France, il n'y a pas une métropole qui est autonome. Ce qui est autonome en termes de souveraineté alimentaire. Ben, la proximité de la production alimentaire, c'est hyper important, quoi. On parle de la Bretagne, vous avez hérité de la volaille industrielle et du cochon, parce qu'à une époque historique, je pense que ça a permis de sauver certainement l'économie bretonne, etc. Mais il est bien évident que la production bretonne serait répartie sur l'ensemble du territoire français. D'ailleurs, au passage, je te signale qu'il y a un marché pour des terres susceptibles de recevoir du lisier breton. Parce que comme vous êtes saturé, il y a des départements qui proposent, et il y a un marché même intra-européen de lisier entre la Hollande et d'autres pays. Enfin, c'est devenu du délire, quoi. C'est du délire total. Ouais, c'est du délire total. Donc il y a ça, si tu veux, il y a la formation qui n'est pas la même, il y a... Et le rapport à la nature n'est pas la même, hein, aussi. Parce que la Terre, c'est quand même une nature qu'on maîtrise. Enfin, qu'on peut... Enfin, je suis pas d'accord, hein, je trouve que l'homme n'a pas à domestiquer la Terre. Mais l'océan, t'y comptes même pas, quoi. On ne peut pas nourrir nos animaux, on ne peut pas soigner nos animaux, on fait pas du travail, on travaille pas le sol. Par contre, on a un avantage, on n'a pas besoin de garder nos animaux, c'est le pâturage qui circule autour des animaux. Et en plus, on a un second avantage en tant que conchyliculteur, on n'a rien à foutre de L214 et de leur reportage, on vend nos animaux vivants aux consommateurs. Démerdez-vous, vous les tuez comme vous voulez, on veut bien vous montrer, mais c'est vous qui faites. Donc on était royal, non mais c'est vrai, on avait des métiers royaux. En plus, ce qu'on vend, c'est vraiment du rêve. Enfin, moi, je trouve que ce qu'on vend, c'est ça qu'il faut qu'on vende, c'est du rêve. D'où la saisonnalité, d'où la proximité. Bon, moi, ça me ferait chier de faire des moules pour qu'elles soient bouffées, à Strasbourg, ou je sais pas où, quoi. Les gens, ils viennent manger mes moules dans mon verger, quoi. Enfin, c'est là que c'est bon, un produit, c'est sur place, quoi. Donc, voilà. Mais et les paysans, en tous les cas, je vais pas dire les paysans, parce que la conf, on a quand même travaillé longtemps pour faire redorer ce mot de paysan, justement. Mais les agriculteurs... du syndicat dominant, pour pas le... Mais c'est des gens ils ont complètement perdu pied avec leur métier et avec le lien avec la nature. Ils sont totalement hors sol. C'est des fermes, tu ne peux pas voir un chevreuil déjà. Tu ne verras pas un chevreuil sur ces fermes-là. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est que la faune sauvage, le travail du sol, mais des béabas de l'agronomie, le cycle de l'eau. Les paysans qui me disent ce que j'ai dit, quoi. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser cette eau perdue qui part à la rivière, quoi. Ouais, mais mon petit gars, il y a l'océan, et l'océan, l'océan, c'est quand même aussi le régulateur et le moteur du climat. Donc quand on nous propose des solutions de bassines dans le dernier Varenne de l'eau là, qui vient de se conclure en disant que c'est une réponse au dérèglement climatique, mais moi on me rend cette copie-là, il a zéro le de Normandie et puis tu travailles ta copie avant de revenir, quoi. C'est pas possible, ils répondent pas du tout à la question, quoi. Ouais. Entre des horticulteurs qui pétaient des câbles et qui n'en pouvaient plus, des fermetures administratives ou sanitaires, ou d'intoxication suite à la pollution au long de la terre. Et ça, vraiment, ça a failli à rien de tel. Et on le voit dans les années 90, c'était la guerre. Ouais. Et c'est très très difficile à les faire affronter. Mais il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Et notamment. Dans le Morbihan, il y avait une grosse initiative. Ouais. Il y a une question. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup. Et en fait, quand tu as parlé de complices et d'acteurs, ça m'a fait penser. J'ai suivi toute la mise en place et la destruction. Ah, pardon. J'ai suivi la mise en place et l'arrêt de la cellule Déméter. Et ça m'a fait me poser la question de votre point de vue, c'est quoi le lien? C'est quoi la relation entre la FNSEA et le gouvernement? Et qui est acteur, qui est complice? Est-ce que la question, elle peut se poser dans ce sens-là? Alors déjà, la cellule Déméter, elle n'est pas du tout dissoute. Hein. Non, pas vraiment. Pas vraiment, vraiment. Si tu lis bien le texte, tu verras qu'elle n'est pas vraiment dissoute. Donc, c'est les gros industriels des pesticides qui inventent le mot d'agribashing, qui est repris après. On a fait une étude sur l'apparition et où, sur quel site, sur quels réseaux sociaux du mot agribashing. Et ce mot agribashing, il est repris il y a 4 ans maintenant de ça, ouais, par la FNSEA. Et il y a 4 ans, c'est les élections professionnelles, renouvellement des chambres d'agriculture. Et donc, se sont servis de l'agribashing. Bon, faut dire quand même qu'aujourd'hui, une grosse partie des paysans, c'est quand même ceux qui meurent le plus souvent des cancers. C'est la profession où on suicide le plus. Ils n'ont pas de revenus. Et donc, tu vois, les dirigeants de la FNSEA, en utilisant cette arme de l'agribashing, oui, les gens sont contre nous, on a une mauvaise image, etc. etc. Et ils ont joué sur la corde sensible du paysan lambda, de base, pour qu'il vote. Nous, on va vous défendre contre l'agribashing et tout. Mais il n'y a pas d'agribashing. Nous, elle a confondu, il n'y a pas d'agribashing. Je ne connais pas un citoyen français qui a une mauvaise image du paysan. Il a une mauvaise image du modèle agricole, mais pas du paysan, pas de l'homme, pas de l'humain. Ils ont joué là-dessus. Dans toute la campagne électorale a tourné autour de l'agribashing. C'est une invention pure et simple de la FNSEA. Et la cellule Déméter, donc c'est quand même un truc co-signé FNSEA, État et gendarmerie, tu vois, qui interdit à tout le monde de pouvoir dénoncer ce modèle agricole, quoi. Donc, mais il y a une collusion. Mais il y a une collusion. C'est pas une question de couleur politique. Hein. C'est historique. À la sortie de la guerre, c'est la désaille totale. Il faut relancer l'agriculture, bon, d'où le productivisme, etc. Et surtout, il faut un interlocuteur en face de soi. Et c'est l'État français qui crée le premier syndicat agricole, qui historiquement, bon voilà, la descendance de ça, c'est toujours la FNSEA. Donc il y a une logique là-dedans. Et puis alors après, il y a trois syndicats qui ont émané de dissensions parce que les paysans de l'époque ne supportaient plus le discours des dirigeants. Il y a deux faces à la FNSEA. Il y a le discours des dirigeants auprès des paysans et il y a le discours des dirigeants auprès des autres dirigeants, en fait. Mais quel que soit le ministre de l'Agriculture, c'est la politique de la FNSEA qui est appliquée en France. Et en Europe, je t'en parle pas, parce que alors là, la COPACO-GECA, c'est... On a été rattrapés l'année dernière, juste c'est pour te dire à quelle échelle ça se fait, les différences de moyens de lutte. On a été un peu rattrapés l'année dernière parce qu'on avait mal coché les causes en tant que syndicat, parti politique ou autre. On doit donner tous les ans le compte-rendu du budget de lobbying et de ce qu'on fait en termes de lobbying. C'est surveillé par la haute autorité de la transparence de la vie publique ou un truc comme ça. Bon, on avait mal coché des cases, on s'est fait un petit peu taper sur les doigts, on a revu les tableaux et tout. On arrive péniblement à la Confédération paysanne. Alors le lobbying, c'est, définition de gouvernement, c'est des actions volontaires de ta part pour envers des décideurs politiques, députés, ministres, sénateurs, pour faire évoluer une loi. Si tu es invité à une audition, tu fais pas du lobbying, c'est eux qui t'ont invité, toi. Et on a eu du mal à justifier 15 000 euros par an d'action véridique de lobbying vers les élus. On a été, par curiosité, voir ce que déclare la FNSEA, donc sur le site de l'Observatoire, là. Selon les années, c'est entre 6 et 7 millions d'euros par an, et ils ont 10 salariés dédiés au lobbying. Voilà, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Salut, déjà merci d'être là, c'est super. Je ne vois pas qui c'est qui cause. C'est moi. Ouais, là. T'étais caché derrière le micro, je ne te voyais pas. Ouais, c'est ça. Je voulais te poser la question. Tu nous as beaucoup parlé des liens entre la mer et la terre, et je voulais savoir quel est l'impact des syndicats de bassin versant là-dedans. Et est-ce que tu penses que c'est un bon endroit où continuer la lutte ? Et je te pose ces questions-là parce que moi je suis étudiant et j'aimerais bien trouver un travail, un emploi, une formation qui me permette de lutter plus tard. Voilà. Eh ben, tu vois, moi je pense, et c'est un petit peu le message que je voulais faire passer là, c'est que c'est la convergence des luttes et vraiment de faire le lien. Je peux pas te parler spécifiquement de ce dont tu me parles là, les sages ou les sdages ou autres, mais je pense que les représentants du milieu maritime n'y sont pas. Mais en tous les cas, à travers deux autres exemples, je vais t'expliquer. Tout le monde fait en sorte de séparer les deux milieux. Chez nous, on a un parc naturel marin, le parc naturel marin des estuaires. Les avis qu'il peut donner des avis conformes, c'est-à-dire qu'il peut être contre, c'est pas juste de la consultation. Hein. Eh bien, son périmètre d'intervention sur le fleuve Charente s'arrête à un port qui s'appelle Tonnet-Charente. Mais l'eau de mer remonte 30 km plus haut, jusqu'à une écluse qui gère le débit de la Charente. Et là, il y a un no man's land, mais où le parc naturel marin n'a pas vocation à intervenir. Or, pourtant, l'eau de mer monte 30 km plus haut. Et c'est là qu'on trouve les plus gros irrigants du département. Un autre exemple, donc, en ce moment, la mode, c'est de faire des projets de territoire de gestion de l'eau. Alors là, de Normandie, c'est super, c'est vraiment de la consultation, c'est tout le monde co-construit ensemble. Je vous ai expliqué notre lutte sur les bassines et entre autres sur le bassin versant de la Sèvre-Niortaise. Ils sont en train d'imposer un protocole qui a été signé par les irrigants de la Chambre d'agriculture, quelques associations de défense de l'environnement dont quasiment toutes sont sorties depuis. Donc il n'y a plus que les irrigants. Jamais, alors je vous ai expliqué que ce fleuve alimente la baie d'Aiguillon, donc entre l'île de Ré et le continent où on produit 20% des moules. Jamais, ni le parc marin, ni une profession représentant les mytiliculteurs de Charente-Maritime n'ont été conviés au débat sur ce projet de territoire de gestion de l'eau. C'est quoi un projet de territoire de gestion de l'eau qui prend pas le grand cycle de l'eau dans sa globalité ? Il ne peut pas répondre aux questions. Et pourquoi la lutte, elle est importante et il faut qu'on soit nombreux au mois de mars ? Parce qu'ils sont en train de nous vendre ce projet de territoire de gestion de l'eau de la Sèvre-Niortaise comme étant un modèle à dupliquer partout. Et sur les 4 départements de l'ancien Poitou-Charentes, il y a déjà 200 projets en carton. Et nous, nos estimations, c'est qu'il y a à peu près entre 1500 et 2000 projets de stockage d'eau Alors, tout vert, hein, il y en a même, il y a du photovoltaïque au-dessus des bassines de substitution, parce qu'ils sont financés qu'à 70%, il faut quand même trouver les 30% restants, donc en vendant l'énergie, puis l'évaporation et tout, ça va être nickel. Mais c'est du délire total. Donc on est sur du 2000 projets. Je vous ai dit que c'est des bassines de 10 hectares. Vous imaginez, même qu'en Poitou-Charentes, 200 hectares, 10 hectares par bassine, 2000 hectares complètement artificialisés, qui ne redeviendront plus jamais de la terre agricole parce que ça a été creusé, etc. Sur 2000 hectares, on installe quelques maraîchers quand même et on rend autonome une ville comme Niort qui, je crois, n'a même pas 3 semaines de souveraineté alimentaire quoi, et locale. Voilà, le combat, c'est quel, ben, on le dit depuis le début, c'est quel modèle stocker l'eau. Sur le principe, pourquoi pas. Si on a respecté le cadre de la bonne continuité des milieux aquatiques, etc., et qu'il en reste quand la population a à boire, etc., pourquoi pas. Et encore, dans l'agriculture, il y a des priorités. C'est d'abord les animaux. La première des priorités en agriculture, c'est aujourd'hui, on a des maraîchers qui s'installent, qui n'ont pas le droit de pomper l'eau, et à côté, ou des éleveurs qui subissent des sécheresses, et il y a le voisin d'à côté qui arrose du maïs pour alimenter un méthaniseur. Sur le même canton, sur la même commune. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous, et puis après moi, le désert ou le déluge, je ne sais pas. Salut. Tu parlais du parc marin, je voulais juste rappeler un truc super en plus avec les parcs marins. Le premier, c'était celui d'Iroise, là, ouais, qui a rendu une fois un avis qui s'était opposé à une extension d'élevage porcin. En fait, c'est un peu plus compliqué, ouais. Le type c'était dans le Porzay, là, il avait fait ça de façon illégale, il avait étendu son élevage, et puis après il avait fait une demande légale pour en rajouter quelques centaines de bêtes de plus. Mais au début il avait juste mis 2000 bêtes en plus, un truc comme ça, quoi. Et du coup le parc marin était consulté, là c'est une procédure d'avis conforme, donc dès qu'il y a une activité qui peut perturber le milieu océanique, le parc marin est consulté. Et c'est un truc un peu super, parce qu'ils ont un conseil de gestion. Il peut même s'auto-saisir, hein, ouais, même s'il n'est pas consulté. Donc il y a des pêcheurs, il y a des représentants du tourisme, il y a des élus, il y a des représentants des agriculteurs. Donc ça fait une sorte de parlement de la mer, quoi. Puis c'est la mer qui regarde la terre, du coup ça c'est intéressant. Donc là ils avaient dit non. Enfin, ils avaient dit oui à la première extension, mais la petite extension en plus, ils s'étaient opposés à ça, et ça avait fait tout un bordel. Et en fait, le truc, c'est que depuis 2018, je crois, les parcs marins ne sont plus saisis par... c'est plus eux qui décident si oui ou non une activité va être interdite. Ça se fait à Paris. Et en fait, ça arrivait parce qu'il y a un parc marin en Picardie qui avait été saisi pour un champ d'éolien offshore. Et les pêcheurs avaient dit, ben non, pas moyen. Donc le parc marin s'était prononcé contre ce truc-là. Et l'État a changé la loi. Du coup, a retiré ce pouvoir-là au parc marin. Maintenant, c'était d'abord l'Agence française de biodiversité qui gérait ça. Avant, il y avait une agence marine, agence nationale des aires marines, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Ouais. C'est devenu l'AFB, puis ensuite l'OFB, l'Office français de biodiversité, quand ils ont intégré les chasseurs. C'est le moment où Nicolas Hulot s'est barré, là, parce qu'il a trop de couleuvres à manger ou de chapeaux, je ne sais plus ce que c'est l'expression, quoi. Enfin, en tout cas, il n'avait plus d'appétit. Et du coup, maintenant, c'est l'OFB qui décide de ces trucs-là. Et les parcs marins ne sont plus jamais saisis sur des projets d'extension d'élevage porcin. Du coup, l'État a créé une structure parce que les institutions internationales l'obligeaient à avoir des aires marines protégées, a créé une structure pour ensuite la vider de sa substance quand en fait les pêcheurs se sont opposés à certaines décisions. Ben voilà. Conclusion, c'est l'État qui décide à la fin. Mais nous, le parc, il a réussi à bloquer un projet d'extraction de sable. On parle pas du sable, tiens, on n'a pas parlé du sable. Matière première de la mer qui est quand même en sérieux danger parce que là, sur la planète entière, c'est la crise du sable. Et on a aussi notre petit projet d'éolien au large d'Oléron. C'est pas la même envergure que le vôtre, hein, je vous signale. Hein. C'est jusqu'à 175 éoliennes au large de l'île d'Oléron. Donc c'est les débats de cet hiver, là. Ça meuble les soirées. Moi, je reviens sur ton choix de carrière, de faire un métier, de partir en croisade comme ça pour l'environnement. Moi, j'ai fait une formation en agriculture il y a 15 ans qui s'appelait en agro-environnement qui s'appelait Partager, pratiques agricoles, techniques alternatives, gestion écologique des ressources. Bravo à ceux qui ont trouvé le petit. Et en fait, pendant cette formation, j'ai quand même appris à irriguer du maïs, à calculer la quantité d'eau et comment, où. Et donc, moi, mon grand projet à cette époque-là, c'était d'apprendre aux paysans, aux agriculteurs à respecter l'environnement. Et ça ne m'intéressait pas d'aller en conseil bio ou tout ça. Et je suis allée à la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, où je me suis confrontée à la, aux élus FNSEA qui sont la haute bourgeoisie de l'agriculture et qui discutaient de leurs vacances en Nouvelle-Calédonie pendant que moi je faisais des études sur les plans d'épandage dans un bassin versant et où tous les paysans parlaient de suicide, n'avaient rien à bouffer. Et eux, ils parlaient de leurs vacances. Enfin, du coup, bon, ça m'a duré quelques années, et puis je suis allée cuisiner. Et du coup, quand tu parles donc de tes études sur l'irrigation du maïs, c'est bien aussi d'en parler, parce que demain, on va plutôt parler des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions à changer ça ? Bon, ben, chez nous, le maïs, hein, c'est Christophe Colomb. Hein. On l'amène. Nous, on a une pâtisserie traditionnelle de l'île de Léron, enfin de l'île de Léron, en Poitou-Charentes, qui s'appelle le Mia. Le Mia Charentais, c'est un gâteau à base de maïs. Et on sait faire hein, du maïs qui ne s'irrigue pas. Avec les semences population, on sait faire du maïs qui ne s'irrigue pas. Enfin, quand ils ont ramené le maïs, Christophe Colomb, à mon avis, ils n'irriguaient pas. Quoi. Alors voilà, il faut stresser la plante, garder les graines sur 6, 7, 8 ans. Et tu as un maïs qui va être adapté à ton sol et adapté à ton climat. Alors évidemment, mais eux, ils sont dans la course au rendement. Il y a le club des 100 quintaux hectares, etc., etc., tu vois. Mais ils oublient même de penser que, à force de pousser leurs plantes à produire, en fait, la valeur nutritive de leurs plantes, c'est naze, quoi. Il vaut mieux faire moins de rendement et avoir une bonne qualité nutritive de la plante que de la pousser avec des engrais et de l'eau et d'avoir de la flotte, en fait, au final. Donc, mais c'est tout le temps comme ça. Dès que tu pousses la productivité naturelle, tu perds en qualité, en fait. Mais c'est pareil, les semences paysannes et les semences population, c'est un combat de tous les jours pour maintenir la possibilité légale de pouvoir se les échanger, se les vendre, etc. Parce que t'as le lobby des semenciers, eux, ils sont pas d'accord là-dessus. Hein. Donc ils te créent des catalogues, ils t'inventent des propriétés intellectuelles. Ouais. Bah, la graine pré-enrobée, les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Enfin, tout quoi. Ouais, moi j'avais juste un petit point tout à l'heure sur quand ça parlait de les algues vertes et la relation aux nitrates. En fait, c'est juste là, j'ai pensé, ça m'a fait penser à Bastien là, qui devait être là aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Et je crois que ça m'a rappelé une discussion que j'avais eue avec lui. Je pense qu'il n'aurait pas résisté à rajouter une précision. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut juste être clair qu'on n'arrive pas, à prédire l'apparition des algues vertes juste en considérant les nitrates. Et donc, en fait, la théorie qui est lui participe à des recherches là-dessus. Enfin, il y a des gens, notamment sur Brest. Et c'est une précision juste pour dire qu'il y a, en fait, le point, ce serait pas seulement la concentration de nitrates, mais le rapport entre la concentration de nitrates et de silicates. C'est bien gentil tout ça. D'où viennent les silicates? L'idée derrière, c'est que il y aurait aussi un facteur qu'il faut prendre en compte pour ça, qui pourrait être tout simplement l'évolution dans les types de céréales. Voilà, et que l'oubli des céréales anciennes, les nouvelles céréales qu'on a mis en place, en fait, portent beaucoup moins de silice et du coup contribuent de la même façon à ça. Et donc voilà, ça n'est qu'une hypothèse scientifique, mais en tout cas aujourd'hui, on n'arrive pas bien à le faire juste avec les nitrates. Et après, c'était juste une petite question très, très personnelle. Je suis un grand amateur d'huîtres. Comment je fais pour acheter des diploïdes et pas des triploïdes ? C'est où, comment je m'y prends pour être... voilà. Il y a une époque, on disait, mais je crois que c'est plus vrai. Mais alors là, peut-être quelqu'un qui est un peu plus... en fait, la nature avait bien fait... Je ne sais pas si c'est encore vrai. Hein. Mais au début des triploïdes, il se disait que la nature avait bien fait les choses. Elle avait fait une petite pichenette aux chercheurs parce que, sans le vouloir, ils avaient sélectionné un caractère dominant qui faisait que le cul de l'huître remontait en forme de babouche au-dessus du couvercle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le cul, il est pointu normalement et droit. Et là, ça faisait un cul en forme de crosse, de bout de babouche, en fait. Et que ça, c'était... Il y avait de fortes chances que c'était des triplots. Mais... Alors, c'est pas écrit, et je peux te dire qu'à part quelques professionnels auxquels je tire mon chapeau, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais qui assument Alors, ils assument moyennement, parce qu'ils ne vont pas vous vendre de la triploïde, ils vont vous vendre de l'huître des quatre saisons. C'est super, hein ? Ça donne envie, hein ? Mais bon, il y en a qui assument de faire de la triploïde et de faire que de la triploïde. Mais alors, les trois quarts, et il y en a qui assument de faire que du naturel, ostriculteur traditionnel, tu n'auras pas de triploïde. Tu n'auras même pas, normalement, de diploïde d'écloserie. Tu n'auras que du captage naturel. Mais la plupart, ben, ils mélangent leur triploïde dans leur lot de diploïdes et ils n'en causent pas, hein, ils n'en font pas. Il y a une omerta là-dessus. Hein. Il y a une omerta totale. Et ça, c'est des gens qui ont perdu pied avec la valeur même de nos métiers. Enfin, n'importe quel métier, vous allez tous faire des métiers, on a tous fait des métiers, on est content de sa vie professionnelle quand on est fier de notre métier, quoi. Et quand on commence à cacher des choses, c'est pas bon signe, ni pour la santé psychologique, ni pour la santé tout court, ni pour... Enfin, voilà. C'est, moi, je trouve dommage d'en arriver là dans une vie humaine, quoi, d'avoir à cacher qu'on fait de la triploïde. Bah, fais-en pas, tu seras plus... Tu dormiras plus tranquille, quoi. N'aie pas honte, enfin celui qui a honte de son produit, c'est dramatique, quoi. Pour moi, c'est dramatique. Ok. Il est 8h. Ouais, il est 8h, il va falloir clore là-dessus. On voulait juste, on trouvait ça magnifique. François nous a ramené ces liens vitaux de la terre à celle de la mer et vice-versa. Et que pourquoi nous, on cherchait, en s'appelant les soulèvements de la mer, à bien se saisir des luttes et des questions des soulèvements de la terre. Et ces questions de l'eau aussi, et qu'on vous a été vivement de parler de ça demain. Ouais. Et que, bah, merci beaucoup à François Périnier. Ouais, merci à vous. Les Shadok, pompaient, ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir, et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ils pompaient dans la joie, ils pompaient dans l'allégresse, mais pour le moment, dans le vide.